Salut à tous, bienvenue. Il est 20h30, je suis ravi de vous retrouver pour la Red Argus Sport, bien sûr, sur Arc-en-Ciel. Très heureux de vous retrouver en ce lundi 21 mars. On est ensemble pour une nouvelle émission. Ravi de vous retrouver après deux semaines d'absence. On va évoquer toute la semaine sportive, bien sûr. On va revenir sur tout ce qui s'est passé avec, bien entendu, du foot. Hier, c'était la fin de la journée de Ligue 1 qui se déroulait ce week-end, donc la 29e journée. À retenir sur ce week-end, pas mal de surprises, notamment la défaite parisienne qui, on rappelle, après son élimination en Ligue des Champions, eh bien, enchaîne un nouveau revers face à Monaco 3-0. On reviendra aussi sur les larges victoires de Rennes face à Metz 6-1. On parlera aussi d'hier de la victoire de Marseille importante face à Nice. Ou encore le match nul de Lyon qui n'y arrive toujours pas. Et également la défaite de Bordeaux, nouvelle défaite qui condamne un peu plus le club en dernière place toujours du classement. Un mot aussi de Ligue 2 tout à l'heure, bien sûr. Le National avec l'USO qui fait match nul à nouveau dans une saison voilà où qui ne fera plus grand chose hein, normalement dans cette fin de saison puisqu'il y a beaucoup d'enjeux pour les Orléanais. On y reviendra donc tout à l'heure pour la page foot. Un petit tour d'Europe bien sûr comme d'habitude. Le tirage au sort, les tirages au sort des Coupes d'Europe bien sûr avec la Ligue des Champions, malheureusement plus de représentants français, l'Europa League avec Lyon et puis bien entendu l'Europa Conférence avec la présence de l'Olympique de Marseille donc dans les quarts de finale. On en reparlera tout à l'heure donc pour la page foot. Et puis aussi cette semaine on y reviendra, mais ce sera bien sûr des barrages importants pour la Coupe du Monde puisque ce seront les barrages, on en parlera bien sûr aussi, de cette Coupe du Monde au Qatar. Important, on y reviendra tout à l'heure, avec donc les barrages aller, alors les demi-finales, pardon, puisque ce sera, on rappelle, en deux fois, et on aura l'occasion d'en reparler bien sûr tout à l'heure. Du tennis aussi également ce soir. Première défaite pour Rafael Nadal cette saison. Il a été battu hier en finale du tournoi d'Indian Wells. Lui qui était invaincu depuis le début de la saison, 20 victoires. Et bien ça y est, une première défaite. Il s'est incliné face à Taylor Fritz, l'américain, en deux manches. Malgré tout, ça reste son meilleur début de saison de sa carrière, bien sûr. Autre fait cette semaine, c'est que le Serbe Novak Djokovic reprend sa couronne de numéro 1 mondial à Medvedev. On verra que ça pourra encore à nouveau bouger dans les prochaines semaines. Et puis l'autre fait aussi, c'est le retour de Stanislas Wawrinka. Après plus d'un an d'absence, il sera de retour cette semaine. On aura l'occasion de reparler de tout ça bien sûr tout à l'heure, avec également à venir l'ATP Masters 1000 de Miami. Ce sera donc pour tout à l'heure. Du rugby, bien évidemment, on reviendra en détail tout à l'heure sur ce grand chelem réalisé par le 15 de France samedi soir. Vous étiez nombreux à regarder cette finale, alors entre guillemets finale du tournoi, puisque la France devait gagner non seulement pour remporter le trophée, le tournoi, mais également pour réaliser le grand chelem. C'était un double enjeu et les Bleus n'ont pas failli dans cette quête face à l'Angleterre, face aux meilleurs ennemis des Français, dans un match plutôt maîtrisé avec malgré tout quelques frayeurs, mais un grand chelem réalisé avec beaucoup de maîtrise quand même sur l'ensemble du tournoi. On y reviendra tout à l'heure. Les Bleus aussi qui avec cette victoire et ce grand chelem atteint cette semaine son meilleur classement puisque la France est désormais deuxième nation mondiale. C'est historique bien sûr pour ce 15 de France et bien sûr beaucoup de d'envie avant les prochaines échéances. Il y aura bien sûr un nouveau tournoi dans un an et puis ensuite il y aura une Coupe du Monde à la maison et on a hâte d'y être bien sûr. Voilà pour le rugby donc tout à l'heure. Du basket avec la Betclic Elite bien sûr, le championnat de France. On reviendra sur la nouvelle défaite, celle-ci elle fait mal face à domicile face au Portel 76-71. Il ne fallait pas perdre ce match, malheureusement, eh bien a été perdu. Et évidemment ça ça va avoir pas mal de d'incidence pour la suite de cette fin de saison hein, qui arrive maintenant dans quelques semaines. On reviendra aussi sur un petit point NBA. Et bien sûr aussi ce qui se passe aussi dans les Coupes d'Europe pour nos clubs français concernés. Ce sera donc tout à l'heure le basket. C'était également la reprise hier de la saison de Formule 1. Nouvelle saison avec pour démarrer cette fois-ci non pas l'Australie mais le Bahreïn pour lancer la saison. C'est Charles Leclerc qui a remporté ce premier Grand Prix de la saison sur Ferrari, et c'est donc les Ferrari qui ont été à la fête sur ce week-end de Grand Prix, donc la reprise de la Formule 1, la reprise aussi de la MotoGP, également avec déjà le deuxième Grand Prix de la saison, et puis également dans les prochaines semaines également la suite de la saison du rallye de WRC, on en reparlera tout à l'heure, donc pour la suite de cette saison. Et puis aussi à l'autre sens, à l'inverse, c'est que c'était la fin de saison hivernale, puisque bien sûr à chaque fois quand une saison démarre, saison mécanique démarre, et bien c'est la saison du ski qui s'arrête, et c'était la fin avec les finales du ski alpin, la finale du ski alpin avec notamment le petit globe pour Tessa Worley, la française qui a remporté le petit globe du géant, du seul homme géant, et puis la fin de saison en biathlon. Là aussi des événements. Le gros globe de Kessel pour Quentin Fillon, on le savait déjà depuis la semaine dernière. Il a remporté également le petit globe du sprint et de la poursuite. Malheureusement, il a manqué celui de la main start hier. Mais malgré tout, une saison magnifique avec, on le rappelle aussi, deux titres olympiques. On avait également un petit globe pour Justine Brenaz-Boucher, qui a remporté le globe de la Mastart hier en s'imposant, dans un scénario assez fou, on en reparlera tout à l'heure, bien sûr. Et puis un point, bien sûr, un bilan sur tout ce qui s'est passé cette année, dans cette très très belle saison de biathlon, avec donc un Quentin Fillon-Maillet, évidemment, énorme sur cette saison. Voilà aussi donc le programme dans un instant de cette soirée avec du handball aussi, n'oublions pas, bien sûr avec la Golden League, c'était la trêve hein, puisque la Golden League faisait une nouvelle étape ce week-end avec notamment une victoire des Bleus face au Danemark, voilà, et puis malheureusement défaite pour les Panthères de Fleury qui se sont de nouveau inclinés donc dans cette saison. Malheureusement, ça ne s'arrange pas pour les Panthères. On en reparle aussi donc juste après. Et voilà pour le programme. Donc. Et puis si également un dernier point, puisqu'on aura aussi un petit mot d'athlétisme, puisque se déroulaient les championnats du monde indoor donc ce week-end avec pas mal de résultats et puis notamment un nouveau record du monde pour Armand Duplantis qui a battu son propre record du monde en s'imposant bien sûr sur les mondiaux et en décrochant cette fois une barre à 6,20 m. Incroyable, encore une fois le Suédois, et qui n'a pas envie de s'arrêter, hein, qui vient de battre un record encore une fois, et il a bien sûr pris le titre sur ces mondiaux. Donc indoor, également une médaille d'argent notée pour Pascal Mathieu-Lagarde sur le 60 mètres haies. Et puis on aura d'autres résultats aussi à donner tout à l'heure. Donc pas mal de choses ce soir, un gros programme encore. On va bien sûr démarrer dans un instant. Avant cela, je vous rappelle déjà que pour nous écouter, c'est bien sûr le 96.2 FM pour nous écouter en voiture par exemple. Sinon, vous pouvez nous écouter aussi sur le site radio qui est arc-en-ciel.com. Pour nous écouter un petit peu partout, bien entendu. Et puis pour nous joindre, pardon, c'est soit le Facebook, l'arrêt d'Arc du Sport, ou bien le standard 02 38 434 800. 02 38 434 800. Vous pouvez, bien sûr, nous joindre à tout moment. Allez, une première pause et on revient juste après, bien sûr, pour démarrer cette émission. On rappelle que c'est vous qui faites la programmation musique ce soir, donc proposez tout ça dans le Facebook et puis on passera maximum de sons ce soir. On va commencer tout de suite avec un premier titre, c'est Julien Doré avec L'Arme Fatale 2. À tout de suite. Je sais, j'en ai mis du temps pour te trouver. J'ai remis les gants pour venir te toucher. Au milieu des torrents de médiocrité. Si la pluie s'installe, viens sur mon oreiller. J'ai la larme fatale, mais j'ai rien oublié. Tout est incertain et tout est dispersé. J'ai vendu mon âme avant de négocier. Elle est pas belle la vie. Elle est pas belle la vie. Prends-moi par la main et dis-moi si j'ai pied. Des fois que j'avale un peu de leurs idées. La vie me fait mal avec ses coups de dé. Mourir c'est pas grave, c'est que tout le monde le fait. Elle est pas belle la vie. Il faut les nettoyer. On éteint la flamme avec de l'eau salée. La nuit je suis grand et le jour je suis laid. Partons bien avant que le soleil soit tombé. Elle est pas belle la vie. Elle est pas belle la vie. Elle est pas belle la vie. Elle est pas belle la vie. C'est Julien Doré avec L'Arme Fatale 2. Alors pourquoi L'Arme Fatale 2? Puisqu'il y a eu L'Arme Fatale tout court et qui était en duo avec Eddie Depreto. Et cette fois c'était Julien Doré seul pour ce nouveau titre. Revenons tout de suite avec le programme qui démarre. Avant cela, je vous rappelle un direct que l'on suivra ce soir. Ce sera le seul. Et ce sera un match entre Concarneau et Châteauroux. Voilà, Concarneau deuxième de National et Châteauroux septième. Ce sera dans une poignée de secondes le début de la rencontre et ce sera sur Canal Plus Sport si vous voulez suivre la rencontre en vidéo. Démarrons tout de suite avec, je vous le disais, donc la fin de saison de ski. Ça y est, c'est terminé. Une fin de saison donc qui s'est conclu par notamment la victoire, puis pour finir c'était les vraiment les finales à donc à Courchevel et Méribel. Chez les hommes donc victoire pour un doublé même pour l'Autrichien Krischmeier qui a remporté donc la victoire sur la descente et le super G. Ensuite, c'est Marco Odermatt qui, lui, s'est imposé sur donc la sur pardon le géant, slalom géant, lui qui avait pris d'ailleurs la deuxième place hein, sur la descente et le super G. Et enfin, le slalom qui terminait conclu hier ses finales. Donc a été cette fois lui remporté par Mike Watts, le Norvégien, Christophersen deuxième, Manuel Feller, l'Autrichien, troisième, les Français sont loin, Pinturo 14e seulement de ce slalom. Voilà qui conclut donc cette saison chez les garçons. Le gros globe de cristal, et on le savait déjà depuis un petit moment, c'est donc pour Marco Odermatt, le Suisse, qui s'impose donc assez largement dans ce classement, puisqu'il totalise 1639 points. Loin derrière, c'est Alexander Kild, norvégien, avec 1172. Il y avait quand même pas mal d'écart. Ensuite, on avait Henrik Christophersen, 3954. Premier français avec ses peintures, est loin, très loin, dixième avec 603 points. Une saison vraiment loin de ses standards. Lui qui avait remporté le globe l'année passée. Ben cette fois, il en est très très loin. Ben on espère que ça ira mieux l'année prochaine. Voilà en tout cas pour ces résultats. Et donc le titre pour, enfin le gros globe pour donc Odermatt, le Suisse. Chez les femmes, eh bien la semaine qui s'est conclue par Michaela Schifrin, qui s'est imposée sur la première étape, la descente, l'américaine donc. Et puis pour terminer hier, le slalom géant, victoire de Federica Brignone, Tessa Worley 4e et Michaela Schifrin 7e, ce qui a suffi pour la Française pour récupérer le petit globe du slalom géant, voilà, qui a fait une très très belle saison sur ce slalom géant, donc la Française. Et Michaela Schifrin, elle a bien entendu remporté le gros globe de la spécialité, hein, le gros globe pardon de la saison américaine, une nouvelle fois imbattable sur cette saison. Voilà, donc une belle saison encore une fois pour Tessa Worley, et qui a remporté donc ce petit globe du géant. Alors, en biathlon, c'était aussi la dernière étape, comme d'habitude, c'était à Oslo, en Norvège, au pays du biathlon, avec un programme qui était classique, un sprint, une poursuite et une mass start. Le sprint d'abord remporté par c'était les hommes qui donc démarraient le sprint, remporté par Sturla Lagred, le Norvégien. Deuxième, Quentin Fillon-Maillet, là aussi auteur d'un sans faute, un petit peu moins rapide sur les skis néanmoins. Sébastien Samuelsson, troisième, le Suédois. Chez les femmes, ce sprint, lui, est remporté aussi par une Norvégienne. C'est Thierry Eckhoff, auteur d'une erreur, mais qui n'a pas suffi aux autres pour passer devant, puisque Lisette Rauser termine à 7 secondes. Et Marthe Holzbourg-Jones, troisième. Annick Chevalier, la première française, est cinquième. Le sprint, donc le petit globe du sprint remporté par Quentin Fillon-Maillet, lui auteur de la deuxième place sur ce sprint, ça suffit pour prendre ce petit globe. Les poursuites ensuite chez les femmes, la victoire et le doublé pour Thierry Eckhoff, qui a remporté aussi cette poursuite. Marthe Holzbourg-Jones en troisième, Paulina Fialkova troisième, Anaïs Chevalier quatrième au pied du podium. Chez les hommes, eh bien c'est chez les hommes, c'est Eric Lesser, l'Allemand, qui s'est imposé encore une fois devant Quentin Fillon-Maillet, auteur d'un 19/20. Voilà, c'est une petite erreur qui lui a coûté la victoire. Sturla Lagred troisième malgré trois erreurs, il termine à 22 secondes du leader Eric Lesser. Il en fallait pas beaucoup, hein, pour Quentin Fillon-Maillet pour revenir, mais ça n'a pas suffi. Et deuxième place, synonyme de petit globe aussi de la poursuite. Ça a suffi pour lui pour s'imposer. Les Mastart enfin, avec une très belle performance pour Justine Bredaz, auteur déjà d'une remontée fantastique lors des Jeux Olympiques pour s'imposer lors de la Mastart. Et ben elle a refait le coup, puisque lors du dernier tir, bien toutes ses concurrentes ont lâché au moins une balle, et elle, qui a réalisé le sans faute, a pu ressortir en tête et garder la tête jusqu'au bout pour s'imposer. Francesca Preuss, l'Allemande deuxième, et Marthe Holzbourg-Jones troisième. et surtout important puisque c'est Elvira Öberg, la Suédoise, qui pouvait prendre ce petit globe du Dynamo Start à condition d'être dans les 4 premières. Et bien lors du sprint, c'est Lynn Persson, sa coéquipière, qui lui a volé cette 4e place au sprint et qui a donc voler aussi, entre guillemets, empêcher de remporter ce petit globe de spécialité. Donc c'est une Suédoise qui a empêché une autre Suédoise de remporter le petit globe. C'est assez rare, mais il y a eu une incompréhension dans le camp suédois et ça a coûté ce petit globe à la Suédoise. En tout cas, elle termine 5e et ça n'a pas suffi. Et tant mieux pour Justine Brezaz qui remporte, elle, son premier petit globe de sa carrière et qui, en plus, prend la 5e victoire de sa carrière. En tout cas, belle championne qui a réalisé une belle saison aussi avec un titre olympique à Pékin. Donc en tout cas une très très belle saison pour elle. Et puis chez les garçons, cette Mastart qui pouvait aussi titrer le français Quentin Fillon-Maillet à condition de réaliser une belle course. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Il termine 7e avec 3 pénalités, c'était beaucoup trop. C'est Bakken, le Norvégien, qui lui a pris pour le coup ce petit globe de la spécialité. Voilà, puisqu'il a remporté le titre. Voilà, il a terminé 7e. Le français, ça n'a pas suffi malheureusement. Et c'est Sivers Bakken, première victoire en Coupe du Monde et donc le petit globe de la spécialité de la Mastart. Il a devancé son collègue Lagrède, soit Lagrède, donc déjà vainqueur du sprint et de la poursuite. Il a failli remettre ça, mais pour 5 dixièmes, eh bien c'est bien Bakken qui a remporté cette course et donc ce petit globe de la spécialité. Voilà, Quentin Fillon-Maillet, 7e, qui fait une très belle saison, mais qui n'aura pas gagné une seule Master de cette saison. Ça n'a pas suffi. 3 erreurs lors du tir couché. Il est revenu en fin de course, mais c'était trop pour lui. Et en tout cas, voilà, une belle course pour Emile Jacquelin, quand même 3e à 13 secondes. Le français qui a bien fini sa saison, lui qui a eu quelques petits soucis aussi physiques dans le cours de la deuxième partie de saison, et on est content de le voir à cette troisième place. C'était des fins de carrière aussi hein, pour pas mal de biathlètes, surtout aussi deux français hein, qu'on retient. On a notamment déjà Simon Détieu, dernière course voilà donc pour lui, il a terminé donc pour cette dernière course à la 9e place, 3 pénalités, donc 9e place pour lui, donc fin de carrière hein, pour le français qui a remporté là aussi de nombreuses médailles mondiales et puis pas mal de victoires aussi en Coupe du Monde. Et puis pour une autre française, Anaïs Bescon, elle aussi c'était sa fin de carrière, qui a réalisé une anecdotique 28e place sur la Mastart, mais c'était surtout pour faire cette dernière course assez sereinement, et elle avait aussi elle quitté le monde du biathlon après elle a aussi pas mal de médailles dans sa carrière. Et voilà, donc deux Français qui vont quitter le monde du biathlon, et retrouvera d'ailleurs d'autres biathlètes à leur place hein, qui vont intégrer aussi la saison l'année prochaine. On a hâte d'y être, en tout cas c'était une très belle saison encore de biathlon, et on a hâte de revoir tous ceux-là l'année prochaine avec un Quentin Fillon-Maillet qui donc arrivera en tant que tenant du titre hein, donc en tous les cas une super saison, premier gros globe de sa carrière, globe du cristal, deux petits globes sprint poursuite, il n'est pas loin d'avoir la Mastart, mais ça n'a pas pu se faire. 5 médailles olympiques, c'est là aussi grosse performance pour lui, saison historique en tout cas pour le français qui on l'espère fera aussi bien l'année prochaine. Voilà pour cette saison de ski que l'on referme et qui se referme, donc on aura le retour en fin d'année maintenant. de tous ces sports. On va poursuivre avec autre chose, tout à fait autre chose. Donc c'était le début de la saison de Formule 1, puisqu'on habituellement on referme la saison de ski, on ouvre la saison mécanique de Formule 1. C'était la première, le premier Grand Prix de la saison, le Bahreïn. Habituellement c'est plutôt l'Australie avec Melbourne. Cette année c'est le Bahreïn qui ouvrait cette saison avec les Ferrari qui étaient à la fête, avec donc notamment en première place de ce Grand Prix du Bahreïn Charles Leclerc sur donc Ferrari, Carlos Sainz l'autre Ferrari deuxième, donc doublé pour Ferrari, Hamilton troisième sur Mercedes. L'autre Mercedes est là, c'est pour Russell qui est quatrième donc de cette course, donc sur Mercedes. Et puis malheureusement pour notamment Verstappen, mauvaise opération, puisqu'il a lors du dernier tour dû abandonner donc à cause d'une problème d'alimentation, et abandon pour lui, Verstappen qui était sur le podium encore une fois. Mais malheureusement ça n'a pas été un bon Grand Prix pour eux, pour Red Bull. Et puis l'autre Red Bull, c'est pour Perez qui a fini dernier lui. C'est un Grand Prix à oublier pour le Red Bull, et puis pour les Ferrari. En tout cas, tout va bien pour l'instant. Mercedes aussi qui est dans le coup. Donc pour le moment, Alpine a noté pour Esteban Ocon une 7e place. L'autre Alpine, c'est pour Alonso 9e. À noter. Et puis pour les premières tendances de cette saison. Pour le moment, le classement, moi, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'intérêt puisqu'il n'y a eu qu'une course. C'est forcément Leclerc qui sera en tête. La suite de la saison, surtout, c'est dimanche déjà. Ça va enchaîner avec le Grand Prix d'Arabie Saoudite, donc dimanche, hein, qui va se poursuivre donc dès dimanche. Et puis le fameux Grand Prix de Melbourne, lui, ce sera la semaine dans 15 jours après, donc le 10 avril, voilà, et qui a été décalé et qui sera en troisième position cette année. Donc là, c'est bien l'Arabie Saoudite dimanche. Voilà pour le programme de cette deuxième course de la saison. En MotoGP, c'était lui la deuxième course de la saison. On s'était arrêté au Qatar. C'était en début de mois au Qatar, où c'était donc l'Italien Bastianini qui s'était imposé devant Brad Binder et Paul Espargaro, les frères d'ailleurs Espargaro qui étaient 3 et 4e, et puis nos Français qui étaient un peu plus loin, 8e et 9e pour Zarco et Fabio Quartararo, le champion du monde. Et cette deuxième Grand Prix en Indonésie a été plus réussi pour les Français, puisque Quartararo deuxième, Juan Zarco troisième, c'est Miguel Oliveira qui s'est imposé, Jack Miller quatrième, Alex Rins, voilà, et ensuite on retrouve les autres pilotes habituels. Ce qui fait que c'est toujours pour l'instant l'Italien Bastianini qui est en tête, 30 points, Brad Binder, le Sud-Africain, 28 points deuxième, Quartararo qui est déjà là, hein, troisième, 27 points. Voilà, ça c'est bien reclassé. En tous les cas, il est dans le coup, le Français. Les deux Français d'ailleurs sont dans le coup dans cette saison. Prochaine étape, pas dimanche mais le prochain, donc le 3 avril, l'Argentine au programme pour ce troisième rendez-vous de la saison. À noter les dates à retenir, c'est surtout le 15 mai, le Grand Prix de France comme d'habitude, hein, toujours courant mai. Voilà, on a pris l'habitude maintenant. Pour la Formule 1, le Grand Prix de France, ce sera le 24 juillet, hein, toujours courant juillet, pour les dates à retenir cette année. Et puis la saison de rallye, elle reprendra au mois d'avril, dans un mois. Hein. Voilà, il y avait une petite trêve entre le deuxième et le troisième rallye, pardon, fin février. Là, ce sera fin avril pour la troisième étape de la saison, qui pour l'instant voit le Finlandais Kevin Perra qui est en tête. On rappelle que Sébastien Ogier ne fera pas la saison complète, donc il sera pas titré sauf miracle cette année. Voilà en tout cas pour pour la saison qui va se poursuivre en rallye. 0-0 toujours, c'est le score entre Concarneau et Châteauroux. 26e journée de National. Voilà, pas de but pour l'instant cette rencontre. C'est le seul, d'ailleurs, direct que l'on suivra ce soir. Actualité du week-end, c'était les mondiaux donc d'athlétisme qui se déroulaient en indoor, hein, à l'intérieur cette fois, forcément. Mondiaux indoor. Avec, on l'a dit hein, au début d'émission, le titre pour Amantu Plantis qui donc a remporté les mondiaux indoor en réalisant en plus un nouveau record du monde, un saut à 6,20 m. Voilà, donc c'est encore incroyable. Il n'est pas prêt de s'arrêter. Hein, puisqu'il avait déjà battu il y a deux semaines un précédent record. Hein, il était lui qui avait démarré à 6,17 6,18 et puis ensuite il y a deux semaines 6,19 et là 6,20. Voilà, donc incroyable, et surtout le faire lors des mondiaux, c'est énorme. Donc en tous les cas, il n'a pas de limite, hein, c'est ce qui se fixe. Alors, il est toujours au-delà de 6 mètres, hein, donc incroyable. Donc le Suédois, 6,20 m. Et nouveau record pour lui. Le concours, sinon quand même, qui donc hormis Duplantis, a vu la deuxième place pour donc le Brésilien Thiago Braz et l'Américain Christopher Nielsen. Notez que le Français Valentin Lavillenie a pris la quatrième place. Renaud Lagnier, on le rappelle, qui n'était pas qualifié pour cette étape de Coupe du Monde. De mondiaux indoor. Et puis autre résultat, c'est pour la Pascal Martineau Lagarde qui a pris la deuxième place, vice-champion du monde donc du 60 mètres haies, qui a pris cette deuxième place derrière donc l'Américain Jarrett Eaton. Il est déjà deuxième donc du 110 mètres haies en 2018. Huitième médaille en salle quand même, donc en argent cette fois, comme en 2014 et 2016, 7,50 et la victoire donc pour l'Américain, lui, en 7,39. Voilà donc pour ce 60 mètres haies. Pour l'autre Français, Willem Belossian, lui, passé à côté de sa finale, pas mieux que huitième en 7,67. Donc en tous les cas, Pascal Martineau-Lagarde, nouvelle médaille pour lui dans ces mondiaux. Voilà, pas d'autres résultats importants à donner dans ces mondiaux. En tout cas, côté français, c'est tout ce qu'on peut donner comme résultat important. Cette deuxième place et cette médaille d'argent pour Pascal Martineau-Lagarde. On va revenir maintenant sur une saison qui va bientôt arriver, une saison de d'été en extérieur. Ça démarrera d'ailleurs pour la Diamond League, notamment la saison 2022, hein, le calendrier pardon, qui a été dévoilé. Voilà la fameuse Ligue de Diamant qui fait toute la période estivale en athlétisme. 14 meetings auront lieu en 2022, bien sûr la situation sanitaire le permet, comme d'habitude. Hein. Donc les mondiaux en salle, c'est terminé donc depuis ce week-end. On aura à venir les mondiaux, cette fois en extérieur à Eugene, du 15 au 24 juillet. Suivra ensuite les championnats d'Europe à Munich, du 15 au 21 août. Voilà, ça va s'enchaîner. Hein. Deux compétitions en deux mois, les mondiaux puis les championnats d'Europe, et puis la Ligue de Diamant, bien sûr, comme d'habitude, hein, va avoir lieu. L'ouverture est fixée au 13 mai à Doha, au Qatar, et les finales elles auront lieu les 7 et 8 septembre pour finir à Zurich. Entre temps, on aura un peu tout. Londres, bien sûr, on aura Eugene, on le disait, bien entendu. pour les mondiaux également. On aura le Maroc, on aura Rome, Paris, ce sera le 18 juin. Voilà, on aura en mois d'août une ville chinoise qui pour l'instant reste indéterminée. Monaco le 10 août, voilà des rendez-vous habituels de la Diamond League, mais surtout voilà, à retenir les mondiaux en extérieur au mois de juillet et les championnats d'Europe à Munich au mois d'août. Voilà, c'est les rendez-vous à retenir côté athlétisme cet été. On va marquer une pause et on reviendra après pour la suite. On suit toujours Concarneau-Châteauroux en National 0-0, toujours le score. Et côté son, on va écouter The Weeknd tout de suite. Et on reviendra juste après pour la suite. C'est parti pour ce deuxième son de la soirée. Et juste après, le programme nous fera passer par du handball avec la Diamond League. Et la Golden League, on confond avec la Davis, non, ça n'a rien à voir, c'est la Golden League, la ligue de handball pour les nations, avec bien entendu l'équipe de France qui a remporté d'ailleurs ces deux matchs. On aura ensuite le basket, le rugby, bien sûr, et puis on aura avec nous en fin d'émission Jérôme qui fera son retour après pas mal de mois d'absence, et il sera avec nous pour le foot en fin d'émission. Bien sûr. Allez, c'est The Weeknd, c'est Sacrifice tout de suite qu'on écoute et on revient après 21h06, vous écoutez Arc-en-Ciel. I'll never leave. But all is sacrifice. Your love for more of the night. I try to put up a fight. Can't tie me down. I don't wanna sacrifice for your love. I try. I don't wanna sacrifice. I hold you through the toughest parts and feel like it's the end. Cause life is still worth living. Yeah, this life is still worth living. I'll break you down and pick you up and fuck like we are friends. But don't be catching feelings. Don't be out here catching feelings. Cause always sacrifice your love for more of the night. I try to put up a fight. Weekend avec Sacrifice à l'instant, c'était pour la deuxième pause de la soirée. Mais tout de suite, revenons à notre programme avec donc le hand tout de suite, le handball avec ce week-end. c'était la trêve côté homme puisque avait lieu la Golden League, la nouvelle étape de Golden League où l'équipe de France a remporté bien ces deux matchs du tournoi. Voilà, c'était toujours les équipes habituelles, la Norvège et le Danemark, toujours des adversaires prestigieux. Donc les Bleus qui ont dominé la Norvège d'abord. C'était pour démarrer le week-end samedi. Victoire samedi de 37-29. Voilà, assez logiquement. Pas mal de quand même de cadres qui n'étaient pas présents, blessés ou laissés au repos, notamment Nico Karatic, Valentin Porte, Vincent Girard, Hugo Desca, Tourna aussi, Nicolas Tourna. Voilà, donc pas mal de blessés quand même. 5 joueurs majeurs hein, qui sont souvent dans le groupe, mais qui ont dominé quand même une belle équipe de Norvège, là aussi diminuée par les blessures, Sander Sagosen, Johansen, enfin il y avait 3-4 là aussi cadres qui n'étaient pas présents. Voilà, donc ça n'a pas empêché les Bleus de faire un beau match. Avec notamment une charnière quand même reconstituée avec Ludovic Fabregas et Luka Karabatic qui est de retour après lui aussi blessure. Voilà, ça a fait du bien. Quentin Mahé aussi, Nick Amem, Timothée Nguessan également. Donc voilà, une belle équipe malgré tout. Les Norvégiens eux, qui avaient été battus déjà par les Danemark la veille, 37-21 quand même. Voilà, et qui ont été une nouvelle fois battus. Et puis donc avant ça, après ça, pardon, les Bleus qui ont également remporté le dernier match donc d'hier avec une victoire face au Danemark. Ça, c'est une belle victoire pour s'imposer dans cette victoire. Donc une victoire 28-26 face au Danemark sur le parquet du Danemark. Entre le duel entre le champion olympique et champion du monde en titre, pas mal d'absents aussi de part et d'autre, hein. Karabatic, on le disait tout à l'heure, Mikael Hansen opéré du genou et qui donc se sont imposés et qui sera le point final aussi de la Golden League. C'était la toute dernière édition ce week-end après 10 ans d'existence, fin de la Golden League. Donc voilà, les Bleus qui, on le rappelle, avaient annoncé il y a quelques semaines vouloir quitter la Golden League, et finalement la Golden League qui va avec cette équipe de France qui va arrêter, la Golden League qui va simplement disparaître après 10 ans d'existence. En tout cas, voilà, une équipe de France avec notamment encore une fois Nedim Remili qui était présent et qui ont fait la différence avec des Kamev aussi, hein. Et une belle équipe, et maintenant les handballeurs français qui vont se retrouver le mois prochain pour une double confrontation face à l'Espagne en match amical, 24 à Paris et le 16 à Madrid. Voilà pour la suite des Bleus. Donc ce sera maintenant dans un mois pour vous revoir les Bleus avec, on l'espère cette fois-ci, le retour des cadres qui seront et également ceux qui sont blessés, le retour de tout cela pour retrouver une équipe au complet, on l'espère. Donc les Bleus. Retour bien sûr après ça de la saison du championnat qui va reprendre cette semaine puisqu'on s'est arrêté toute la semaine. Rappelle que Saran malheureusement reste sur une courte défaite, mais une défaite face à Créteil 32-31 la semaine qui a précédé cette Golden League. Une défaite qui a fait mal, mais qui laisse Saran quand même 14e avec 8 points, égalité avec Istres, et qui laisse surtout Nancy derrière, hein, qui est vraiment l'équipe qui ferme la marche. Mais il va falloir gagner les matchs à venir, ça sera important. Dès jeudi, hein, Saran qui sera d'ailleurs seule équipe à jouer jeudi. Enfin, seule équipe avec Dunkerque, son adversaire, a joué jeudi, il n'y aura qu'une rencontre. Dunkerque qui est 13e. Important ce match puisque Dunkerque est juste devant Saran. Alors en termes de points, Dunkerque est quand même bien au-dessus, hein. 14 points pour Dunkerque et 8 points pour Saran seulement. Mais évidemment, ça permettrait de resserrer un peu le classement et surtout de, évidemment, de, en cas de défaite de Istres, eh bien de prendre un petit peu de marge sur cette équipe. Istres de son côté, qui va se déplacer, qui va recevoir Toulouse, qui est sixième. Donc là, on espère évidemment une victoire toulousaine combinée à une victoire saranaise, ça permettrait de donner un tout petit peu d'air. En tout cas, ce sera jeudi. Paris, de son côté, ira à Nancy chez la Lanterne Rouge, justement, dimanche. Donc a priori, Nancy, ça serait compliqué pour eux, mais on attend une victoire parisienne qui, pensant, est sur un sans faute, 20 sur 20, qui permettrait déjà de laisser Nancy bien à distance. Ça, c'est pour Saran. Autre équipe à la peine, et très à la peine, c'est malheureusement Fleury, battu une nouvelle fois face à Nice hier à domicile, 25-23 au Palais des Sports. Fleury qui pourtant à la pause tenait le match nul, et malheureusement nouvelle défaite, 21 points, dernière place pour l'instant, une seule victoire, hein. Désormais 5 points de retard sur celle sur le Bel, première équipe au-dessus, première équipe non relégable, puisqu'il n'y a qu'une descente, hein, on le rappelle, dans cette dans ce championnat. Mais pour l'instant, bah, ils sont bien à cette dernière place, les Panthères, malheureusement. Et voilà, on espère que qu'elles vont maintenant commencer à gagner les matchs, puisqu'il va falloir gagner très très vite, hein, puisque pour l'instant c'est toujours une dernière place au classement. Donc on le verra si ça bouge, mais en tous les cas, pour le moment, c'est compliqué pour elles, pour les Panthères, qui vont donc enchaîner la 20e journée. On rappelle qu'il restera encore quelques journées, hein, encore 7 matchs, 20e journée. Les Panthères vont à Metz, ça sera encore compliqué. Alors pas cette semaine, pas pendant les 15 jours, puisqu'il y aura une trêve, mais maintenant retour le 6 avril. Voilà, pour les Panthères, de quoi aborder la dernière phase, reposer, on espère. Et voilà, ça va être très compliqué, mais il faudra en tout cas faire tout ce qu'il faut. C'est toujours Fleury, c'est toujours Metz, pardon, justement, on en parlait, qui jouera face à Fleury lors du prochain match. Toujours cette équipe de Metz qui est en tête, là aussi 19 sur 19, hein, sans faute. Toujours, hein, pour elle, incroyable. Et à noter quand même pour les Panthères une petite consolation, puisqu'il y a eu une qualification pour les demi-finales de la Coupe de France. Elles se sont imposées au tir au but, au jet de 7 mètres face au Paris 92. C'est un exploit. Et elles joueront en demi-finale Besançon, qui de son côté a battu Brest, alors que l'autre demi-finale verra s'opposer Metz et Chambray-les-Tours. Donc voilà, une maigre consolation pour les Panthères, qui auront quand même joué une demi-finale à l'extérieur, à Metz, à Besançon, pour essayer de voilà, sauver un petit peu cette saison. Voilà pour le hand, en tout cas. Et pour un dernier mot quand même pour Gien, hein, on rappelle qu'il continue sa saison, qui a un petit peu plus de mal. On n'aura pas ce soir malheureusement Sylvain pour nous en parler. On l'espère assez rapidement pour qu'il vienne nous en parler de cette saison, hein, qui se poursuit et qui est plus compliquée que la première partie, hein, qui avait été incroyable avec pas mal de victoires. C'est plus compliqué cette fois pour Gien, qui rejouera maintenant dimanche. Ce sera la reprise aussi dimanche, donc à l'extérieur, à Mainvilliers. Pour l'instant, Gien reste sur une courte défaite face à Rennes, saison Rennes 21-20, et pour l'instant est 7e avec 29 points. Mais surtout, c'est qu'il y a plus de 3 points d'avance sur les équipes en dessous. Mainvilliers, justement, 26, Pouzauges, 26, et Granville, 26. Donc attention, il n'y a plus beaucoup d'écart maintenant. Et justement, donc face à Mainvilliers, il faudra seulement gagner dimanche pour justement laisser Mainvilliers bien derrière, puis revenir sur les hauteurs, hein, qui étaient plus les siennes en début de saison. Et puis restera ensuite 6 matchs, voilà le programme pour finir cette saison, hein, pour Gien, qui réalise un deuxième partie de saison qui est plus compliqué pour l'instant, mais il reste encore pas mal de matchs. Donc Voilà, ça va se faire. Et cette semaine aussi, place à la Coupe de France pour les hommes. Huitième de finale de la Coupe de France demain et mercredi. Voilà, demain et mercredi, c'est ça, huitième de finale de Coupe de France. Et c'est pour cela que ensuite les autres matchs du championnat se joueront plutôt samedi et dimanche pour la fin de la semaine de championnat. Ce sera plutôt samedi et dimanche. Voilà pourquoi Saran, c'est la seule équipe à jouer seul match de jeudi. Voilà pour le hand, en tout cas en ce qui concerne les clubs. Et puis la Ligue des Champions, on connaît maintenant les affiches des huitièmes de finale. Le Paris Saint-Germain, donc, qui devra passer par ce huitième de finale, qui n'est pas directement qualifié pour les quarts de finale, hein, puisqu'il n'y a pas eu de place suffisante pour Paris, qui a terminé troisième. Ça ne suffit pas. Paris donc affrontera Elverum en huitième de finale. Elverum, qui est une équipe qui a terminé sixième. Donc dans l'autre groupe, donc un adversaire abordable à la portée du Paris Saint-Germain. Ce sera donc le 30 mars, donc c'est-à-dire la semaine prochaine, le match aller. Premier match donc mercredi prochain et retour le 7 avril, déplacement et ensuite réception. Et pour Montpellier, ce sera match face à Porto. Et là aussi déplacement et ensuite réception face à Porto. Donc Porto qui a terminé cinquième, voilà, et Montpellier de son côté qui a là aussi terminé quatrième. Voilà donc pour les deux clubs, ce seront des matchs abordables, même si ce sera jamais simple, mais en tout cas voilà pour les deux clubs, ils sont fixés en tout cas pour ces matchs à partir de la semaine prochaine. Et pour les filles donc de Metz et de Brest, là aussi les matchs la semaine prochaine, cette semaine même, pardon, ce sera précisément samedi et ensuite le samedi suivant le retour. Metz affrontera le Borussia Dortmund et Brest affrontera Odense. Voilà pour les filles, là aussi elles sont fixées pour ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. On referme cette page hand et on va poursuivre avec avec autre chose, avec le basket. Basket donc, on rappelle que les directs, c'est même le direct. Ce soir, c'est Concarneau-Châteauroux 0-0, toujours 36 minutes de jeu, pas de but pour l'instant dans cette rencontre. C'est Canal Plus Sport si vous voulez bien sûr suivre cette rencontre. En basket donc, une défaite qu'il fallait pas perdre pour Orléans, c'était face au Portel samedi soir au Palais des Sports, défaite 76-71. Malheureusement pour Orléans qui voit son adversaire du coup lui passer devant. Voilà, et Orléans est 16e, deux adversaires encore derrière, Chalon, Reims et Fos-sur-Mer. Donc pour l'instant ça suffit pour se maintenir, mais évidemment il n'y a qu'une petite victoire d'avance, ce qui n'est rien du tout pour Orléans, qui va maintenant jouer il reste encore plus d'une dizaine de matchs, hein, mais en tout cas il va falloir que ça gagne un petit peu pour l'OLB, hein, qui pour l'instant est pas très très bien et on espère que ça va aller mieux. En tout cas, la prochaine rencontre pour... alors, il n'y aura pas de match cette semaine pour le match qui devait avoir lieu. Donc, c'était un principe cette semaine, précisément vendredi, match face à Bourg-en-Bresse, match qui a été reporté. Donc, le prochain match pour Orléans, ce sera le 29, un déplacement à Limoges. Voilà pour Orléans pour cette nouvelle journée, en espérant qu'il y ait une victoire cette fois pour se mettre un peu plus à l'abri, parce que pour l'instant leur place est suffisante pour se maintenir, mais évidemment il y a très peu d'écart et voilà pourquoi il faudra gagner là pour se donner un petit peu plus d'air. Et puis cette semaine, ce week-end même, ce sera les quarts de finale aussi de la Coupe de France. Ma rappel, Orléans ne figure plus puisqu'ils ont, ils avaient été battus en huitième de finale, donc quart de finale de la Coupe de France aussi, hein, comme on rentre cette semaine. Voilà pour le championnat de France. Un petit tour rapide dans, du côté donc de l'Euroleague. Alors évidemment pas mal de matchs annulés, hein, puisqui concernent des équipes russes. Voilà, donc notamment Kazan, Moscou, le Zenit Saint-Pétersbourg, donc des équipes qui ne jouent plus forcément l'Euroleague. On peut évidemment le comprendre. Ce qui fait qu'il y a très peu de matchs, finalement, il n'y a plus que 6 matchs. L'ASVEL joue et a été battu au Real. Et puis Monaco n'a pas joué puisqu'il devait jouer face à CSKA Moscou. Pour l'instant, l'ASVEL est 16e. Très très très loin de jouer le top 8. Monaco est 5e pour l'instant, qui pour l'instant fait partie des équipes qui joueront la phase finale, donc tant mieux. Il reste encore 4 matchs pour finir cette saison régulière, avec donc le Monaco qui sera certainement, l'espère, enfin partie de ces 8 équipes. Pour l'instant, il y a pas mal d'avance. À l'ASVEL, c'est sûr qu'il n'y aura pas, même si toutes les équipes russes seront éliminées, ça ne suffira pas pour remonter dans le top 8, en tout cas pour l'ASVEL. Dommage. En tout cas, il y aura quand même Monaco qui devrait en faire partie, a priori. En Euroleague, malheureusement, c'est fini pour nos clubs français. À savoir nos deux clubs français, Bourges et puis Montpellier, c'est terminé donc pour cette Euroleague. Bourges qui a terminé deuxième du tour préliminaire, deuxième, Montpellier quatrième, et Montpellier donc qui a terminé quatrième. Et puis donc du coup dans la phase finale, c'est des cartes finales qui ont vu Montpellier donc seul qualifié et qui malheureusement a été battu en double confrontation et qui a donc été éliminé, qui a perdu ses deux matchs, donc il n'y a pas eu de débat et donc il n'atteindra pas les demi-finales de cette Euroleague, donc c'est terminé pour les clubs français chez les femmes, malheureusement. C'était compliqué cette saison là aussi pour elle. L'Eurocoupe chez les garçons, là aussi ça continue, la saison régulière qui se poursuit, reste encore 3 matchs à jouer pour finir cette première phase. Pour Bourg-en-Bresse, une 9e place, ça se terminera donc déjà dès la phase de poule. Pour Boulogne en revanche, ça va devoir se qualifier puisqu'il y a une 4e place qui pour le moment serait synonyme de qualification, tant mieux. Là aussi, on pourra trouver un club qualifié. Et puis en Ligue des Champions, enfin, avec un format un peu différent, Dijon est toujours dans le coup pour se qualifier pour la suite donc de cette Ligue des Champions, comme Strasbourg qui est deuxième aussi. Il restera un match chacun. Strasbourg jouera dans 2 jours face à Tenerife, face au leader, pour essayer de rester leader d'ailleurs. Qui pourrait passer leader avec une victoire. Et pour Dijon, il y a une égalité à 3, donc il faudra gagner face à la Poel, qui est leader aussi, pour se qualifier. Voilà, donc on pourrait quand même avoir les deux clubs, peut-être un seul, peut-être normalement il y aura moins un club sur les deux, voire les deux pour la phase finale. On l'espère là aussi. Et enfin NBA. NBA, donc quelques résultats, mais il n'y avait que 4 matchs cette nuit. Enfin, la nuit passée. 4 victoires à l'extérieur, d'ailleurs, pour le Utah Jazz, qui a été battre New York. Boston, qui a été battre Denver. Les Spurs de San Antonio, qui ont battu les Warriors. Bon match, hein, 110-108. Et puis Toronto, qui a battu Philadelphie, 93-88. Un score un peu plus bas. On pourrait presque croire un score de championnat de France. Le classement à l'Est, c'est Miami qui a repris la tête. Devant Milwaukee et Philadelphie, et puis à l'ouest, Phoenix est toujours en tête devant Memphis et les Warriors. Cette nuit, plus de matchs, il y aura au programme 3-6 et 3-9 matchs. Voilà, des matchs qui vont avoir lieu à partir de minuit jusqu'à 1h30 du matin pour les derniers, les découleront des derniers matchs. Voilà pour le basket ce soir. Donc les matchs de NBA toute la nuit. Voilà pour ce point. Le match du direct qu'on suit est toujours au même point. 0-0, 40, qui va être la mi-temps dans quelques secondes. Donc c'est pas le match de l'année, bien sûr, pour l'instant. Mais ça peut se décanter, bien sûr, on l'espère. Changeons d'univers avec du rugby. Et là, c'est évidemment le sujet que l'on attendait avec ce grand chelem réalisé par l'équipe de France. 15 de France qui a réalisé ce magnifique grand chelem en battant en finale, la finale pour les Bleus. C'était pas une finale pour les Anglais qui ne pouvaient plus jouer le titre, mais une finale pour les Bleus qui devaient gagner en plus pour non seulement réaliser le grand chelem, mais en plus pour remporter le tournoi, puisque après la victoire irlandaise face à l'Écosse, eh bien, ça a obligé les Français à s'imposer. Et de toute façon, même avec le titre déjà en poche, les Bleus auraient eu à cœur de évidemment réaliser ce grand chelem qui n'était plus arrivé depuis 2010. Hein. Dernière victoire, dernier grand chelem et dernière victoire française lors du Six Nations. À chaque fois qu'il y a une victoire, c'est un grand chelem pour les Bleus depuis 2010. Victoire donc face aux Anglais, 25 à 13 avec la manière. Un premier essai signé Gaël Ficou assez tôt dans le match, comme très souvent, 15e minute de jeu. Avant cela, une pénalité d'abord qui avait permis aux Bleus d'ouvrir le score par Jaminet qui a remis ça à la 24e minute de jeu. Avant la pause, un essai malin de Cross qui a tendu son bras pour aplatir sur la ligne alors qu'il était sous 5 ou 6 joueurs, il a pu tendre son bras et aplatir juste sur la ligne. Un scénario qui était idéal avant la pause. Et puis retour des vestiaires. Alors il y a eu quand même deux pénalités anglaises dans cette mi-temps aussi. Et puis retour des vestiaires, eh bien c'est des Anglais qui ont d'abord ont remis ça très fort avec d'abord un essai par Stewart 48e dès le retour des vestiaires. Qui ont repris espoir avec cet essai qui ont fait mal aux Bleus, mais heureusement c'est le capitaine Antoine Dupont, incroyable, encore meilleur joueur du monde, et on voit pourquoi, qui a été encore énorme sur ce match, qui va marquer en solitaire un nouvel essai, le troisième du match, transformé par Jaminet. Et puis plus rien pour les Anglais qui ont été éteints avec ce nouvel essai. Et 10e grand chelem de l'histoire pour les Bleus qui ont dominé cette rencontre. Et les Anglais encore limités hein, cette fois. Et nouveau titre pour les Bleus depuis 2010. C'est un très beau titre. Voilà, que 5 victoires hein, sur 5 matchs, 22 points. Un tout petit point d'avance sur l'Irlande qui termine avec 21 points. Malgré une défaite, mais il y a eu des points de bonus à chaque fois pour l'Irlande, qui a pris ses 5 points de bonus sur les 5 matchs, 4 points de bonus offensif et puis un point de bonus défensif contre les Bleus. Voilà, l'Irlande qui a réalisé aussi un beau tournoi, mais celui-ci était pour les Bleus, avec un tournoi incroyable réalisé par cette équipe de France, qu'on retrouvera maintenant très très vite avec une tournée d'été. Il y aura l'Afrique du Sud d'ailleurs au programme, ça va être un beau match aussi. Il y aura une tournée d'automne bien sûr après. On retrouvera bien sûr cette équipe lors du tournoi l'année prochaine. On remettra notre titre en jeu. Et puis il y aura bien sûr après, on l'attend, une Coupe du Monde à la maison que l'on attend avec impatience évidemment pour ces Bleus là hein, qui on espère réaliseront une grosse performance, pourquoi pas aller chercher le premier titre champion du monde de leur histoire. En tout cas, il y aura encore du temps, 18 mois pour y être, mais ça promet déjà de grosses choses. On va enchaîner toujours sur le rugby. Du coup, en club, bien sûr, on attend tout le monde, on attend les internationaux qui vont revenir tranquillement. Puisque ça continue de jouer en attendant hein, bien sûr. On était notamment à Toulouse hier qui a battu le Montpellier 35 à 10 et on attend dans les clubs, les retours des internationaux. Montpellier est nouveau leader avec 60 points. Alors Bordeaux-Bègles, qui était leader avec énormément d'avance il y a quelques semaines, et bien désormais est deuxième avec 2 points de retard sur le leader, mais surtout qui vient d'enchaîner 5 défaites consécutives. Voilà Montpellier, ça fait beaucoup évidemment pour Montpellier. 5 défaites consécutives pour les Bordelais. Bah voilà, c'est même cinq défaites. C'est beaucoup pour Bordeaux qui évidemment privé de ses internationaux ont eu beaucoup de mal et a vu toute son avance fondre, qui n'est plus leader en plus et qui est désormais à 2 points de retard sur Montpellier, qui est d'ailleurs le nouveau leader. Lyon est troisième, 54 points, comme Castres aussi, 54 points. Toulouse, 53 points, et pour l'instant, 6e Racing, 51 points. La Rochelle est juste derrière. Clermont n'est pas très loin. Le Stade Français et Toulon, qui vont bien mieux. Pau, Brive, Perpignan et puis Biarritz, 10 points de retard sur Perpignan. C'est déjà presque fini pour eux. On reprendra une nouvelle journée, bien sûr. 16e journée, je vais retourner au bon endroit. On reprendra une nouvelle journée, bien sûr, ce week-end, samedi et dimanche, avec au programme Stade Français Bordeaux samedi et puis Toulouse Lyon dimanche. Voilà, ce sera l'affiche de dimanche qui nous attend. Voilà donc pour le retour du top 14. Là aussi, après un petit week-end sans match, on retrouvera évidemment tout cela pour la reprise. Donc ce week-end, puis pour les clubs, bien sûr, on attend avec impatience le retour des internationaux. Et puis ensuite, il y aura le retour aussi de la Coupe d'Europe. On va retourner aussi dans les matchs de Coupe d'Europe. Avec les quarts de finale maintenant, les huitièmes de finale pardon, que l'on attendra évidemment nos clubs français que l'on retrouvera maintenant début avril. Ça va arriver là aussi assez rapidement, ces matchs de Coupe d'Europe. On les retrouvera avec plaisir, bien sûr. Un petit mot du RCO. L'URCO qui bien sûr continue sa belle saison fédéral 2. L'URCO qui réalise là aussi une belle saison toujours et qui on l'espère va encore une fois cette année jouer les playoffs. Hein. Pour l'instant ils y sont bien partis puisqu'ils sont non plus deuxième, mais leader. Alors, on les avait quittés deuxième, et maintenant ils sont premiers, tout simplement. Premier du classement pour le moment, avec 76 points. Deuxième, c'est Orangis, 65 points. Paris Université Club, troisième, 60 points. Voilà, donc tout va bien pour l'URCO. Tout va bien, qui reste sur une victoire à Antony et puis sur le week-end d'avant une victoire face à Bourges dans le derby, et donc tout va bien pour eux qui jouera désormais les prochains matchs donc face à Chalon dimanche à domicile. Ensuite il y aura un match face à Orsay début avril à l'extérieur cette fois. Et enfin, la réception de Orangis pour finir la saison. Enfin, en tout cas, qui finira la saison régulière. Là, à domicile, cette fois, le 17 avril. Voilà, donc 3 matchs. Et pour l'instant, une première place qui devrait se maintenir, on l'espère. Et après, il y aura bien sûr à aller chercher les playoffs. Et pourquoi pas, on l'espère, aller chercher même une place pour le. Ensuite, la Fédérale 1, on l'espère, on verra ça, bien entendu. Voilà pour le rugby, on referme cette page. C'est la pause dans le direct, donc Arnaud Châteauroux, pas de but, finalement. Pas de but à noter. Une petite pause et on revient dans un instant pour le tennis et puis le foot juste après, où Jérôme sera avec nous pour débriefer sur cette page foot. Pour le son, vous nous dites bien sûr parce que vous l'écoutez. Cette fois, on nous propose... qu'est-ce qu'on nous propose? Eh bien, je vais vous dire... on nous propose plein de choses comme d'habitude, mais dites-nous hein, puisque là il y a plein de choses qu'on a écouté dernièrement, mais on va écouter, allez c'est parti pour ce titre là et on reviendra après pour troisième partie même déjà. Et donc tennis et puis foot avec Jérôme dans 5 minutes maintenant, qui sera avec nous pour débriefer de tout ça. C'est parti pour le troisième titre et on revient après pour la suite. À tout de suite, il est 21h40 sur Arc-en-Ciel. Saying in her sleep, oh, brother's got a date to keep, you can't hang around. Our house in the middle of our street, our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, in the middle of our street. Our house, you that you've got to make in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. C'était Madness avec House à l'instant pour le troisième titre. Tout de suite avant le foot, eh bien mot de tennis cette semaine, nouveau tournoi de Masters 1000 à Miami. Avant ça, le tournoi d'Indian Wells qui se déroulait. Jusqu'à hier, en tout cas, la finale avec Rafael Nadal qui était battu en finale par Taylor Fritz 6-3, 7-6, alors qu'il avait réalisé une belle semaine, l'Espagnol, encore une fois, qui Keita, avant ce match, cette finale invaincue depuis le début de la saison, 20 victoires et 3 titres surtout à son actif, et cette fois battu donc par Taylor Fritz en finale. Beau duel aussi, déjà en quart de finale face à Kyrgios, ensuite face à son jeune compatriote Alcaraz, et puis malheureusement en finale ça n'a pas suffi, et malgré un Taylor Fritz affaibli lors de sa demi-finale face à Rublev, eh bien il a pu prendre le dessus et s'imposer. Nadal s'arrête là et est battu pour la première fois de la saison, mais quand même belle opposition. Un autre fait à noter, c'est que Novak Djokovic reprend sa couronne numéro 1 mondial à Medvedev. Autre information, c'est que Rafa Nadal passe 3e. Voilà, il revient sur le top, sur le podium de l'ATP. Taylor Fritz, avec sa victoire, passe 13e, c'est son meilleur classement. Et puis Alcaraz, jeune espagnol, 16e, il a aussi meilleur classement pour lui. Cette année. Et puis Medvedev, lui, qui repasse 2e, puisqu'il avait été battu dès le 3e tour par Gaël Monfils, Indian Wells. Et du coup, voilà pour le moment le classement. Cette semaine, donc Miami au programme, ça va s'enchaîner dans 2 jours, ça démarre. Avec Medvedev, tête de série numéro 1. En numéro 2, ce sera Zverev, Alexander Zverev, qui sera présent. Andy Murray, là, qui est invité, qui sera là. On aura Chapovalov, Tista Agut, Goran Berch chez les Français, Rinderneck, là aussi le Français, Tsonga. On aura Benjamin Bonzi, là aussi le jeune Français, Manarino, Pesa Kyrgios, compliqué déjà pour démarrer, Gaël Monfils, Benoît Paire, on aura Gilles Simon, Go Gaston, Richard Gasquet, voilà pas mal de noms, Dimitrov, notamment, voilà les Français et les forces en présence qui seront à Miami pour le deuxième Masters 1000 de la saison. Donc voilà les rendez-vous à venir. Et puis autre information, c'est le retour à la compétition. Donc de Stanislas Wawrinka, qui va signer son retour sur le Challenger de Marbella la semaine prochaine après plus d'un an d'absence. Et bonne nouvelle pour le Suisse qui, on rappelle, s'était bien refait, notamment qui s'entraînait avec sur l'installation du Paris Saint-Germain et qui ça y est a signé son retour, invité pour le tournoi donc de Marbella, va reprendre la compétition. C'est une bonne nouvelle, donc ce sera à partir de lundi prochain, de dimanche même, l'ancien vainqueur de Roland-Garros, qui sera dans ton tournoi espagnol, et qui aura 37 ans d'ailleurs bientôt le 28 mars. On espère pour lui une belle reprise en tout cas, et on rappelle son dernier match le 9 mars 2021. Il a depuis opéré 2 reprises au pied gauche, et il est désormais au classement 232e mondial, il est très très loin. Et voilà, donc ce sera une préparation avant le Masters 1000 de Monte Carlo, où il a également reçu une invitation. Donc on espère que ça va être un bon retour pour le Suisse, qui mérite là aussi de bien revenir, on espère. Voilà pour les infos tennis. Donc cette semaine, Miami, donc on enchaîne avec une nouvelle performance pour Nadal qui a été en finale encore cette semaine et qui, on l'espère, sera encore. Ah non, qui sera pas. Non, qui sera d'ailleurs pas là puisqu'il a annoncé qu'il sera pas à Miami. Donc on retrouvera maintenant sur Terre avec bien sûr Monte Carlo, où on aura aussi le retour de Novak Djokovic, qui pourra prétendre être présent à Monte Carlo puisqu'il n'y a pas besoin de vaccin du côté Monte Carlo. Il n'est pas aux États-Unis sur ces deux tournois puisque il faut un vaccin. Voilà, tout simplement les raisons de son absence sur ces deux tournois. On enchaîne et on poursuit surtout avec le foot désormais, alors qu'on sera avec Jérôme dans quelques instants, dans une poignée de secondes. Avant cela, un tour d'Europe rapide sur le week-end. Je crois que Jérôme est avec nous tout de suite, donc on va l'accueillir en même temps, le temps de faire une petite manipulation technique. Et normalement, Jérôme sera avec nous dans un instant si tout est bien fait techniquement. Ah, allô, est-ce que Jérôme est avec nous? Allô, Jérôme? Salut, ami, ça va? Salut, Jérôme, tiens, et toi? Très bien. Ça fait longtemps je ne t'ai pas eu au téléphone. Ça fait plaisir, oui, de t'entendre. Je crois que la dernière fois, depuis que j'ai appelé, je pense que Bordeaux n'a pas gagné un match. Ouais, c'est presque ça. Hein. C'est presque ça. Oh, on va y revenir, ça. Ah, ils sont trop forts. On va y revenir avec attention. Oh là là. Avant cela, on était sur un petit tour rapide d'Europe sur ce qui s'est passé. D'accord. Notamment, avec pour le moment le Bayern qui est toujours en tête de classement en Allemagne devant Dortmund. Il y a 6 points d'écart, voilà, pour l'instant. Ça devrait se faire. Bayern, donc victoire 4-0. On rappelle l'absence, enfin le forfait pour comment il s'appelle, je vais retrouver son nom, Benjamin Pavard, qui est atteint du Covid, donc il manquera Ah oui, d'accord, c'est une blessure grave. Non, rien de grave. C'est pas très grave. Il manquera le rassemblement avec l'équipe de France. D'ailleurs, on en parlera aussi après. Pour les matchs amicaux, ouais, tout à fait. J'ai rien suivi. L'Italie, un mot en Italie. Ils ont compris. Non, faut pas Costil, c'est pas des gardiens qui arrêtent des buts. C'est ça. Ah oui, c'est pas bête. Ah, il est bon, ça peut servir. Il réfléchit un peu. Ouais, vaut mieux là. Ouais. En Italie, ça bouge, c'est très serré en haut, puisque Milan AC est maintenant leader avec 66 points. Napoli est deuxième avec 63 points. L'Inter à 60 points et la Juve 59 points, donc voilà, tout ça se tient dans le mouchoir et ça bouge, voilà, les leaders bougent de semaine en semaine et cette fois c'est le Milan AC qui est leader, qui arrête pas de gagner et surtout un Olivier Giroud qui est en forme. Ouais, c'est pas lui qui a marqué ce week-end, c'est qu'il marque quand même pas mal de buts, mais il marque beaucoup et il a été récompensé puisque Bordeaux a lui tout seul, ouais. C'est vrai qu'il fait, c'est pas dur non plus, fait une belle saison, plus que zéro c'est pas dur, c'est pas normal, c'est pas dur, non. Bah, c'est pas dur. Donc voilà pour le point en Italie. En Espagne, c'était le Classico ce week-end. Bah, le Barça, ils ont marqué plus de buts que Bordeaux plein de matchs. En un seul match. Non, en un seul match, ils ont marqué plus de buts que Bordeaux en 2022 presque. C'est fort. Et ça, c'est une sacrée perf. Hein. C'est bien. 4-0, grosse victoire. Hein. Grosse victoire. Alors, le Real, c'est pas si fort que ça. Alors l'absence. Les gens n'ont pas été bons. Ouais. Alors, il faut noter l'absence de Benzema. L'absence de Benzema, mais ça aurait peut-être fait 4-1, 4-2. Peut-être. Non. Peut-être. Je sais pas. C'est peut-être pas le rapport. Ah, je sais pas. Mais en tout cas, ouais. On va l'ensemble. Ça a pas été un gros match pour le Real. Bon, qui est toujours, de toute façon, bien installé en tête hein, du classement. Oui. Puisque pour l'instant, après cette défaite, eh bien le Real est leader toujours avec 66 points et c'est deuxième. 66 points. C'est trois fois plus que Bordeaux. Ah, tu peux en faire des. Ah bon, on va en faire des comparaisons. Ouais. En purée. Séville, c'est deuxième, 57 points. Donc, ouais, il y a toujours 9 points d'avance. Donc, ça changera pas grand chose. Et le Barça, par contre, prend la troisième place. Égalité avec l'Atlético Madrid. Donc, ils vont se battre pour. Et deuxième? C'est Séville. Ah, ouais. D'accord. Ouais. Mais voilà. Donc, le Barça qui va maintenant se battre pour la deuxième place. Voilà. Ce sera l'objectif pour eux. Pour cette fin de saison. Et puis enfin en Angleterre, pour finir ce tour d'Europe, eh bien en Angleterre, pas mal de reports évidemment, puisqu'il y avait aussi en parallèle la Cup. Ouais. Mais Chelsea notamment s'est imposé, Arsenal également, Tottenham aussi. Et ce qui fait que pour l'instant, c'est toujours très serré, puisque Manchester City a 70 points. Ouais, c'est ça. Et Liverpool 69 points. Rien. Et ouais, il n'y a plus qu'un point d'écart. C'est très sérieux. C'est sérieux. Alors qu'il y avait pas mal d'avance ces dernières semaines pour City, et puis ça a fondu. Et du coup, maintenant, il n'y a plus qu'un point. C'est ça. Et après, les autres sont très loin, puisqu'ensuite, Chelsea a 10 points de retard, 59. Arsenal 4e, Tottenham, et ensuite United. Donc le titre se jouera entre ces deux-là. Et puis donc pas mal de matchs reportés, puisqu'il y a eu forcément il y a eu 8 équipes qui jouaient hein, en Cup. Donc oui. Ça fait beaucoup de matchs reportés. Chelsea s'est qualifié, qui a battu Middlesbrough, Crystal Palace. Middlesbrough, ouais. Deuxième division. Middlesbrough. On avait ensuite Crystal Palace qui a gagné face à Everton 4-0, qualifié. City s'est qualifié 4-1 en battant Southampton et Liverpool. qui a battu Nottingham Forest. Ah, Nottingham Forest, hey, ils ont gagné la Coupe d'Europe, Nottingham Forest. Ils ont gagné, oui. Bien sûr. Et donc, force à l'époque. Belle affiche, City-Liverpool en demi-finale, et de l'autre côté, Chelsea-Crystal Palace. Voilà les affiches, ce sera mi-avril pour ces demi-finales de coupe de la Coupe d'Angleterre, alors qu'en France, nous, on est déjà en finale, hein, ça y est, depuis un moment, on connaît la finale. Ouais. Et, pas le PSG pour une fois. Pas de PSG, et ce sera Nice-Nantes, ce sera le 7 mai, on a le temps de voir venir. Ah, c'est bientôt. Bah, le 7 mai, c'est dans un peu plus d'un mois à peine. Un mois et demi, ouais. Ouais. À peine, ouais. Oui, un mois et demi, ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Revenons en France. À noter deux choses. L'USO d'abord, match nul. Oui, bon, bah, ils vont finir la saison comme ça. Voilà, ouais, c'est ça, tranquillement. Maintenu. Ouais, maintenu. Et, du coup, c'est la deuxième saison qu'ils font en national, ils vont perdre le statut professionnel, là, comment ça se passe? Ça y est, là, on va attendre les 3 ans, ouais. C'est ça. Donc, les 3 ans, non. Bah, depuis la descente. Ah, j'aurais dit que deux, ils sont pas descendus l'année du Covid. Ah, je sais plus. Moi, j'ai dit c'est la troisième saison, non? Ah, j'aurais dit que c'était la deuxième, mais bon, après, je peux me tromper, hein. C'est au moins deux, c'est sûr. Ça, c'est. Mais à vérifier, hein. Ouais, j'aurais dit. Pour moi, c'est pas au bout de 3 ans, c'est au bout de 2 ans que tu le perds. Je sais plus, ouais. En tout cas, je sais qu'il va être perdu là. C'est ça. Mais, dire si c'est 2 ans et. Ou si c'est 3 ans et que ça fait déjà 3 ans, est-ce que ça. Tu crois que c'est que la deuxième saison nationale, peut-être je... À la fin de la deuxième saison, ouais. T'as le droit à 2 saisons pour te remettre dedans. Et sinon, je crois que tu perds donc, pas mal d'aides liées aux droits télé, j'imagine. Je sais pas exactement quel est le business, hein. Je suis pas un grand spécialiste. En tout cas, oui, ça va être la fin, là. Mais l'essentiel, c'est d'être maintenu déjà. Oui, c'est vrai. D'être maintenu là, oui. Du coup, voilà, donc, on l'a dit, 0-0, voilà, c'était un match sans trop d'enjeux pour eux. Je crois. Ce qui fait que pour le moment, ils sont toujours voilà, autour de la 10e place, 11e. Ah, je tombais sur un article, du coup, je fais des recherches en même temps que je te parle. Oui, pour le statut pro, oui. Pro prolongé pour le Astar et 4 autres clubs. Alors, attends, c'est foot amateur, le site, alors déjà, c'est pas très très fiable. Oui, c'était. Ça, c'est un article de l'année dernière. Ouais. Sur les toilettes et compagnie, donc c'est compliqué. 16 juillet. Ah oui, non, mais donc, c'est la dernière année, ça veut dire. Alors, par contre, voilà, en fait, le statut pro. Notamment, il permet de. Chambry, Orléans, Le Mans. Le Mans et Orléans aussi. La saison dernière, tu vois, c'est bien leur deuxième saison en Orléans. D'accord, ouais. Mais du coup, là, pour le statut pro, notamment, il en fait, ça passe en commission chaque année, mais après, au bout d'un certain temps. Oui. Il permet d'employer des joueurs professionnels, en fait, statut oui, pro. Oui, c'est ça. C'est ça, en partie, oui, oui. C'est ouais. Ça. Mais il n'y a pas que ça, mais. Il y a des contrats fédéraux, ce qu'on appelle, qui peuvent être appliqués dans n'importe quelle division, quoi. Enfin, n'importe quel statut, je veux dire. Oui. Ouais, c'est technique, j'y comprends pas grand chose. Donc enfin, je crois voilà, qu'en tout cas ça a un impact sur pas mal de choses quand même. Et donc c'est que la deuxième saison hein, pour l'USO en national. C'est quoi? C'est la deuxième saison, c'est ça? La deuxième saison, ouais, c'est ça. Oui, l'an dernier ils étaient pas bien classés en plus, ils avaient fini mal classés. Je sais plus. Bah, ça, le classement, je crois que c'est pas que ça ait une grande importance. Hein. Non. Non, non, ça n'a pas d'importance, mais ça va pas être une saison facile. Non, c'est ça. Donc voilà, pour l'instant, 11e place, il n'y a pas plus grand chose à jouer. Et il restera maintenant en match vendredi, Avranches, déplacement. Voilà, pour l'USO qui est derrière à 13e, voilà, mais bon, il n'y a plus trop d'enjeux pour Orléans qui a 12 points d'avance sur le relégable. Donc, a priori, c'est pas. Officiel, mais en tout cas c'est bien parti. D'accord. Avant de bien sûr de parler de la Ligue 1, la Ligue 2, pour l'instant on voit toujours Toulouse en tête et qui s'envole même 63 points parce que le Paris FC est deuxième avec 55 points, donc c'est très bien parti pour Toulouse. Auxerre est toujours là dans le coup, troisième 54 points. Toulouse c'est bien parti. Qui devrait monter aussi. L'Ajaccio quatrième 52 points qui est pas très loin. Péroï, ça devrait jouer entre ces quatre-là, hein, puisqu'après il y a un petit peu d'écart pour la suite. Et aussi en plus qui joue face à Toulouse, et Toulouse qui a gagné samedi 2-1, donc qui du coup avec cette victoire là, s'est bien installé en tête. de ce classement. En revanche, rien ne va pour Nancy, dernier avec 23 points. Ah oui, comme Bordeaux, quoi. Ils ont un point le plus haut. Ouais, eh ouais. Dunkerque, Quevilly-Rouen et Grenoble aussi. Compliqué, mais il reste encore. Ils sont forts. Ah oui, ils sont forts. Un point de plus que Bordeaux. Ouais. C'est fort. Attention. Ben ouais. Hein, ah, mais avec un match de plus. Ah. Ah oui. Ah oui. Eh bien, c'est autre chose du coup là. On a joué la 30e journée et. Ah oui. Oh putain, là c'est un concurrent direct ça. Ah ouais, attention. Il y a, ça pourrait faire un barrage entre les deux. Ah, ça pourrait faire un beau barrage. Ah, c'est pas un beau barrage. Hein. Ah ouais, ça fait ou 0-0-8-8. Ouais, c'est ça. Eh ben justement, parlons de. Entre autres de Bordeaux, puisque on va parler. C'était bon en pronostic cette semaine, j'ai vu, parce que j'ai eu deux fois, il y a eu 2-0-0. Ah oui, du coup, bah oui, moi aussi, du coup. Bah du coup, j'ai fait comme toi, j'ai fait autant de points que toi. Eh. Alors, il y a eu 2-0-0, mais il y a eu un match nul supplémentaire. C'était vendredi. Saint-Étienne 3. Un partout. 0-0. En fait, partout, bientôt on fait presque plus de points sans jouer qu'en faisant qu'en jouant. Hein. J'ai l'impression là. Hein. Donc, j'ai l'impression. Un partout pour ce match. Saint-Etienne qui a égalisé après avoir encaissé le premier but et un partout. Et du coup, ça arrange évidemment personne, mais surtout pas Saint-Etienne. C'est ça. Qui du coup est toujours pas dans une super place, classement qui est 18e. Avec 27 points. Et puis par contre 3-15e, c'est un petit peu mieux, mais c'est vrai qu'il aurait préféré bien sûr gagner. Samedi, c'est Lens qui s'est imposé face à Clermont. En revanche, Lens va un petit peu mieux. 3-1 le score et la victoire donc lensoise. Ouais. Clermont pas pareil, un résultat qui les met dans une mauvaise position, 17e. Donc du classement, on retrouve Lille ensuite qui a aussi va un peu mieux avec cette victoire à Nantes, 1-0. Nantes par contre qui allait mieux et qui vient d'enchaîner deux défaites consécutives. Ouais, Lille, pas bon après. Lille par contre avec cette victoire, 5 matchs en défaite, c'est 6e place et qui retrouve les places européennes surtout. D'accord. Les Lillois qui vont bien mieux. Hier c'était alors ce qui était anciennement un choc de Ligue 1, Monaco Paris, qui est moins un choc maintenant. Et quand même, c'est dur. Bah Monaco, c'est pas, enfin, fait moins peur qu'avant. C'est vrai, c'est pas faux. Qui est pas régulé du tout. Voilà, sur les 5 derniers matchs, il y a un nul, une défaite, une victoire, une défaite, une victoire. C'est pas régulé du tout. Oui. Non, pas trop. Mais Paris, c'est pas le Paris qu'on connaît habituellement. Et ben, ça s'est encore vu. Victoire 3-0 de Monaco, avec un doublé de Ben Yedder et un but de Voland. Donc pour Monaco, ça fait beaucoup de bien au classement. Bon, pour Paris, il n'y a pas beaucoup d'incidence. C'est à l'image de ce qu'on voit ces dernières semaines de Paris, en fait. Hein. Ah ouais, là, ils sont plus trop là. Un visage assez triste et. C'est complexe, hein. Il n'y aura plus que ça à jouer, donc ouais, c'est fou. Hein. Ça, c'est fou, mais bon, après, en même temps. Il est vrai qu'ils misent tellement tout sur une compétition que quand ça s'arrête, ben. Ouais, c'est ça, après, il n'y a plus l'envie. Il n'y a plus grand chose, il n'y a plus beaucoup de décence dans le moteur, on va dire. Non. On a l'impression qu'il y a de ça, quoi. Donc, voilà, nouvelle défaite pour Paris. Surtout, sur les 5 derniers matchs, il y a 3 défaites et 2 victoires. Hein. C'est pas terrible. C'est rare. Et ouais, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que t'as pensé de cette élimination contre Real Madrid? Ah, c'est dommage, hein. c'est fou d'ailleurs de voir sortir du match comme ça. C'est, ah oui, c'est ça. C'est incroyable. Enfin, on croit que c'est un sketch. C'est en fait. Incroyable. On dirait que c'est un mauvais rêve. Plutôt. Ouais, c'est ça, c'est un mauvais rêve. C'est pas possible, mais avec Paris, il faut s'attendre à tout en fait. Excuse-moi, oui, je crois bien que c'est ça. Et malheureusement, ça s'est encore répété et. Excuse-moi, oh là, attends. Mais bon, c'est. Surtout, c'est la façon, la vitesse à laquelle c'est allé. Alors, le troisième but, engagement, et là, c'est panique à bord. Ouais, c'est ça. C'est dingue. Ouais, c'est fou. Complètement dingue. Ouais, c'est. Il y a une part de mental, et puis après, il y a aussi, je pense, le fait de dès qu'il pensent que ça peut ne pas tourner en leur faveur, ben là, ça, là, ils perdent de pied. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est incroyable. Là, c'est beaucoup... Il y a des joueurs d'expérience, il y a des joueurs de caractère, mais c'est pas de symbiose entre eux, en fait. Ça, ça marche pas comme ça. Non, ça ne va pas encore poser l'année, malheureusement. Non, c'est ça. Ensuite, on enchaîne. Rennes qui aussi qui va très très bien, 5 victoires sur les 5 derniers matchs et il a celle-ci ah oui. Avec quel match 6-1 victoire plus de matchs que Bordeaux plus de victoires que Bordeaux en une saison. Ah oui, là c'est clair. Oui. Bah oui, Bordeaux c'est 4 victoires pour l'instant. Ah, c'est ça. 6-1 pour Rennes. Il y a les stats hein. Ah ouais, bah elles sont faciles à retenir en même temps. C'est ça. Et donc 6-1 ouais pour Rennes, carton plein. Contre Metz, qui lui va pas très bien du tout non plus, bah, comme Bordeaux d'ailleurs. C'est quasiment les mêmes stats, à un point près. Ah oui. Mais là, il y a eu une nouvelle déconvenue et 6-1. Donc Rennes, bah, par contre, qui va très très bien, Rennes, qui est sur le podium. Tout à fait. Un des 0-0, Lorient-Strasbourg, voilà, pas grand chose à dire. Non. C'est l'équipe qui se couvre, ça. Ouais, oui, Lorient-Strasbourg. Un point, ça va tout le monde, je crois. Bah pour Strasbourg oui c'est bon, il y a l'Europe en une demi-heure, mais pour Lorient ouais c'est pas encore sauvé, hein, loin de là. Non. Bordeaux ils y croient encore. Hein. Attends. Ah bah tant que c'est jouable automatiquement. Bien sûr. Bah alors. Bien sûr. Angers, victoire Angers face à Brest 1-0. Voilà, c'est des équipes qui sont plutôt à l'abri pour l'instant, mais ça fait toujours du bien de prendre 3 points. 0-0 Reims-Lyon, là aussi pas grand chose à dire. Et puis le match important, c'était enfin Marseille-Nice. Et Marseille qui a fait le travail encore 2-1. Milik, Bakambu, puis ensuite en fin de match, Nice qui va réduire l'écart, mais trop tard. Ouais, tout à la fin, mais deux buts à la fin, je crois. Hein. 89-92, ouais. Ouais. C'était trop tard. Ça. Et bah Marseille, ça fait encore leurs affaires puisqu'ils reprennent la deuxième place. Tant mieux, remarque. Hein. Bah oui, ils avaient perdu. Dans le week-end, après la victoire de Rennes, ben, ils l'ont récupéré, 53 points. C'est ça. Paris, c'est 65 points. Rennes, 52. Nice, 50. Ensuite, il y en a Strasbourg, 48. Lille, 46. Monaco et Lens, 44. Et puis Lyon, qui est loin, hein, qui est 10e, 42. Ah oui. Enfin, qui est loin. Alors, pas si loin de ça que l'Europe, mais qu'il y a quand même pas mal d'équipes devant, quoi, en fait. C'est ça. Et puis, tout en bas, alors, j'ai oublié de parler, quand même, de Bordeaux. Ouais, ils sont le dernier. Hein. Qui a été battu face à Montpellier. Oh, oui. Ils n'ont pas mis un but à 11 contre 9. Voilà. Toute la deuxième période à 11 contre 9. C'est absolu. Mais quand t'es fort, t'es fort. Hein. Bah là, ça, on ne l'avait jamais fait encore. Hein. Ah, bah si, parce que je crois qu'il y a eu un autre match cette année comme ça. Avec deux joueurs en moins. Bordeaux, ouais. Et pareil, ils n'ont pas réussi à gagner. Ah, bah ça. Enfin, oui, hein, c'est vraiment des de ne pas gagner, mais encore de ne pas marquer. Ah oui! Que tu peux marquer un but, moi. Mais non, même pas. Marquer un but, non, même pas. Ah ouais, c'est. Non, c'est bien, c'est fair play quand même. Fair play. Hein? C'est fair play, bien, c'est sympa. Ah, ils sont fair play. Ah bravo. Ça, on peut pas leur enlever. Moi, j'ai toujours dit. On peut pas leur enlever. Hein. Ah non, ça, c'est une équipe fair play, ça. Ah ouais. Belle équipe. Hein. Ah, c'est. Ah ouais. Ah non, moi, je trouve belle équipe Bordeaux. En France, comment ça joue, comment ça attaque, comment ça défend. Non, c'est une belle équipe. Hein. Ah ça, ils iront loin cette année. Hein? Ils iront loin. Oh, cette année, une belle équipe. Hein. Ouais. Ouais. C'est une des plus belles équipes ces dernières années. Hein. Oh bah c'est le top, ouais, je crois que c'est la plus belle génération qu'ils ont eue. Hein. Oh bah, génération dorée, non? Oh bah oui, c'est ça. Oh, c'est une génération dorée, ils vont tout gagner, moi je pense. Là. Ah oui. Oh, ouais, c'est sûr. Ça, c'est clair. À ne pas douter. Hein. C'est clair. Ah bah c'est... non, pas douter, exactement. aucun doute. Moi, je mise là-dessus. Bah, tous les pronostics, tout le temps, je les joue gagnants. Ah bah tu peux les... Ouais, tu vas prendre... Bah, je les joue gagnants, moi. Tu vas prendre des points, en temps. Bien sûr. Ah, pour l'instant, avec ça, t'as pris 4 points depuis le début de l'année. Ouais. Bah alors, attends. Ouais. Bah oui. Ouais. Ah, mais ça coûtera moins cher les places en Ligue 2. Oui, c'est ça. La crise. C'est ça, l'avantage. Bah oui. Bah alors. Attends, c'est bien joué ça. Moi je dis Bordeaux, ça c'est bien vu ça. Bah ils pensent aux supporters. Hein, et ils pensent aux supporters. Ils vont mettre des places à 2 euros et à plus de monde. Bah alors. Voilà. Et là ils vont peut-être remplir le stade. Ils vont peut-être remplir le stade. Bah ça c'est une stratégie en tout cas. Ça c'est une stratégie. Je sais pas si c'est payant, mais c'est pensé. Non, mais c'est réfléchi. Ouais. Et ça c'est un club qui est visionnaire, tu vois. Il y a un vrai projet. Ils sont pas rachetés par les Américains et par des mecs, on sait pas qui c'est. C'est pas le genre. Non. Ah bah non. Non. Pas non, du non, tout. Non. Ils ont quand même fait fort. C'est quand même le seul club qui a deux logos. Pour te dire le problème d'identité qu'ils ont. Et déjà, Ils ont changé de logo et sont revenus à l'ancien logo. Plus nul encore, tu vois. Ouais. Et en fait, on fait des conneries. Et comme on s'en rend compte, on revient sur les conneries qu'on a fait, on les change. Et on admet qu'on a fait une connerie. Ouais. Bon, pour te dire, ils ont fait pareil avec le coach, je pense qu'ils pourraient faire pareil avec tous les joueurs. Bon, bah, bref, ils étaient derniers quand t'es dernier, hein. C'est que tu mérites d'être dernier, ils méritent de descendre. Il faut pas dire, sauver un grand club, on s'en fout. C'est l'équipe, elle est nulle. Eh ben, ils descendent, c'est tout, c'est comme ça, c'est le sport. Moi, je trouve que c'est bien. Ah oui, bah voilà, c'est sûr. Si Bordeaux descend alors que c'est l'équipe la plus nulle du championnat, bah je trouve que c'est logique. Voilà. Ah oui, bien sûr. Voilà. On est d'accord. Voilà, c'est con pour eux, c'est con. Moi, je suis un fan de Bordeaux, ça me fait chier. Mais en même temps, voilà, quand t'es mauvais, tu descends, c'est le sport. C'est la logique, hein. C'est ça, c'est logique. C'est logique. Moi, je trouve que c'est bien comme ça. Alors, 22 points, donc, ensuite. Ah oui, quand même, 22 points. Ouais. Ouais. Et on se sauve à 41 points, c'est ça, hein. Ah, oh bah oui, mais pas cette année, je crois. Non, hein. Cette année, je peux te sauver à moins, je pense. Il y a moyen. Tu dois 38 sauts cette année. C'est Metz, 23 points. Saint-Etienne, 27. Ils vont même pas réussir à être chargistes. C'est Clermont, et Lorient, 28 et 3, 29. Voilà, c'est des équipes. Ah, non, il y a trop d'écart. Il y a déjà 5 points sur Saint-Etienne. Ouais. Non. Alors, par contre, il y a beaucoup d'équipes qui sont pas là. 5, 6 points. Donc, tu sais qu'il y en a une qui va craquer dans le tas. Ouais. Mais ça, faut que Bordeaux, il gagne des matchs. Pour gagner des matchs, faut marquer des buts et marque pas de buts, alors. Seule équipe en Europe, je crois, à pas avoir réussi un clean sheet. Alors que l'an dernier, ils avaient été en Europe la plus longue série de clean sheets, je crois. Ah oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore. Mais grosse. Non, non, aucun stade, ils ont pris des buts à tous les matchs. Ah ouais. Ah ouais, alors c'est compliqué. C'est-à-dire pour gagner un match, il faut au moins marquer 2 buts. C'est déjà que ça. Et quand t'en as pas beaucoup, c'est plus difficile. Déjà. C'est déjà de gagner des matchs. Donc bon, c'est. Et c'est pas une mauvaise attaque, hein. Ils n'ont pas la pire attaque du championnat. Hein. Mais par contre, ils ont vraiment la pire défense. Hein. Oui. Ah oui, là, oui. Avec un gardien international, pour te dire le niveau des autres. Oh putain. Donc, on est mal. Oh là là là. Ouais. Voilà, au fond du trou. Hein. On a creusé un trou, on s'est mis dedans, tranquille, impeccable. Ah oui, ils sont calés. Hein. Bon, tout le monde a cru que Saint-Etienne allait y aller, donc bah, ils sont pas affolés. Bah tiens. Bah Saint-Etienne, non, c'est mieux là. C'est mieux. Ah bah c'est mieux, oui. Bah deux victoires et tu remontes tout de suite vachement ouais. En classement. Hein, ouais, c'est ça. Eh oui. C'est ça, hein. Moi je comprends pas. Bon, enfin bref. Allez. Allez, les pronostics de la journée, du coup, qui arrive. Allez, vas-y. Ce sera la 30. Septième journée. Ouais. Avec, pour relancer, alors pas vendredi, étonnamment, il n'y a pas de match vendredi. Ah oui, il n'y a pas de match, il n'y a pas de journée en semaine, non ? Non, non. Ah non. Non, non, je sais pas pourquoi il y a pas ce qui se passe. Bah, équipe de France, non ? Tu l'as pas dit ? Équipe de France, ce sera. Ah bah oui, c'est. Les pronostics alors qu'il n'y a pas de match. Ah bah, faut quand même qu'on les fasse. Bon, on va les faire. On va peut-être les faire jusqu'à la fin de la saison, t'es sûr. Sinon, oui, c'est peut-être pas mal. Oui, on va les faire. Oui, c'est la semaine prochaine, c'est l'équipe de France. Ah. Bah, c'est ça qu'on. D'ailleurs, c'est ça qu'on voulait. Un week-end au Bordeaux va pas perdre. Ça, c'est un. Ça, ils perdront pas, c'est sûr. Et oui, c'est pour ça que je voulais en parler d'ailleurs rapidement de l'équipe de France. Bon, il n'y a pas de chamboulement dans la composition. Ouais. Si ce n'est que donc Benzema. Il n'a pas pris Giroud, je crois. Je vais peut-être le prendre si. Mais c'est bon. Il a été pris du coup puisque Benzema est blessé, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis donc Pavard blessé et c'est Saliba qui va remplacer donc Pavard. Saliba, c'est le gars de. Il joue où lui Saliba? Saliba c'est le. Marseille hein. William Saliba. Marseille. Qui est en prêt d'Arsenal. Oui, il y a Marseille qui est en prêt d'Arsenal, oui. Il est en prêt d'Arsenal, ah, je sais pas. Non, il est à Marseille, mais Arsenal qui. C'est le joueur d'Arsenal. Ah oui, d'accord. Il est en prêt, c'est Arsenal qui le prête. Ok. Et également, Jonathan Clauss, le Lensois. Ouais, Lensois, ouais, qui a été pris. Bon, après, il est bon, mais après. Bah, j'en doute pas. Et donc, voilà, les prix, c'est qu'il va être bon, hein. Oui. Donc, ouais. Pas de chamboulement, et puis, donc, si plus de. On aura plus de Stéphane Mandanda, il n'a pas été retenu cette fois. Voilà, non, mais là, c'est que ça sent la fin. 48 ans, bon. 48 ans. Et donc, les matchs vendredi, d'abord, la Côte d'Ivoire, et le mardi, ensuite, l'Afrique du Sud. D'accord. Voilà, ce sont les deux matchs amicaux. Et voilà pourquoi il n'y a pas de match ce vendredi. C'est puisqu'après, ouais. Il faut revenir dans les clubs. Et, c'est ça. Et du coup, voilà, ça nous emmène. Et puis, il y aura aussi alors ça ne concerne pas l'équipe de France, heureusement. Mais ça concerne d'autres clubs, forcément, les barrages de la Coupe du Monde. 2022. Et donc, on retrouve notamment le Portugal et l'Italie. Qui devrait qui se rencontreront peut-être en finale. Enfin, les deux s'imposent forcément, qu'il y en a un qui passerait la trappe. Ça, c'est sûr. La Pologne est qualifiée, puisque la Russie est. Oui. Elle ne jouera pas. Elle est out. Elle est out. Et puis, du coup, l'Écosse ou l'Ukraine, pour l'instant, le match est reporté. Donc il faudra attendre pour jouer. Et puis donc après il y aura Pays de Galles ou Autriche. Et puis de côté à côté de la Pologne, il y aura la Suède ou la République Tchèque. Voilà les possibilités. Puis Pologne ou Turquie. Et de l'autre côté Italie ou Macédoine du Nord. Donc ce sera jeudi pour les demi-finales. Et le mardi prochain pour les finales. Voilà, donc peut-être on aura l'Italie ou le Portugal, mais pas les deux. Peut-être aucune des deux d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est possible. Ça peut arriver. On espère au moins en avoir une. C'est ça. Voilà pour rappeler les événements de la semaine. Et donc, nous, on va prendre... Où est ma équipe de France, ça se déroule où ? Alors, l'équipe de France... Je vais poser des questions, parce que je suis pas trop, j'avoue. Oui, je vois ça, oui. Alors, le vendredi, c'est la Côte d'Ivoire. Ce sera... je vais te dire ça. Tu me mets dans l'embarras, là. Petit coquin. Ça. Petit coquin. Petit coquin. Oh là là. Ah ouais. Alors, vendredi, donc, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Et ce sera au Vélodrome, à l'Orange Vélodrome. Ah oui, Marseille. Ouais, et puis. Beau stade. Ah, et l'Afrique du Sud, ce sera à Lille, au stade Pierre. J'ai vu un match cette année, là. J'ai trouvé ça super. À Vélodrome ? Ah ouais, je vais voir Marseille, hein, avant Noël, là. Franchement, c'était la plus grosse affluence de la saison, ou troisième plus grosse affluence, c'était plein. Ouais. Et super ambiance, franchement, t'es bien placé et tout, tu vois bien, grosse. Oh, c'est super. Hein. C'est un beau stade, oui. C'est un très beau stade. Ah, je me suis régalé. Et puis mardi, la Suède du Sud, ce sera Stade Pierre-Mauroy de Lille. D'accord. Beau stade aussi. Oui, tout à fait. Voilà les deux matchs. Alors nous, on va pronostiquer là pour la semaine d'après, pour la 30e journée. Avec donc le samedi, du coup, d'abord Nice Rennes, c'est la belle affiche, très belle affiche, puisque Nice est quatrième, Rennes est troisième, et que Nice peut repasser devant Rennes en cas de succès. Et moi je vais Rennes, rappelons-le, qui reste sur 5 victoires consécutives, c'est une belle performance. Et plus que ça même, pardon, 6 victoires consécutives même. Oh pétard. Dernière défaite remonte face au Paris Saint-Germain au mois de février. Mmh. Et depuis 6 victoires, il y a eu l'élimination en Ligue Europa, ouais. La conférence, mais en championnat c'est 6 victoires consécutives quand même. Pas mal, hein. C'est propre. Ouais, c'est propre. Mais Nice, c'est pas mal aussi. Même s'il y a eu moins de succès ces derniers temps, mais sinon c'est quand même une belle équipe. Et là c'est compliqué comme match. Rennes-Nice. Moi je vais mettre Rennes, mais Nice. Moi je vais mettre Rennes aussi. Nice, je sens qu'ils ont un coup de moins bien. Nice, ça va moins bien, ouais. Ouais, ça va moins bien, c'est vrai. Mais bon, je vais mettre Nice quand même à domicile. Ah ouais, ouais. Ah, c'est à Nice le match ? Ouais, c'est à Nice. Hein. Ah, je crois que c'est à Rennes. Alors attends, alors Nice, alors. Pour Paris. Tu changes, ok. Ouais, ouais. Je change, ouais. Allez, changeons. J'étais pas. Ouais. Bah, ça peut savoir son importance, ouais. Oui, tout à fait. Ensuite, on continue à 19h, toujours samedi, on a Lille qui est 6ème qui va recevoir très grande équipe des Girondins de Bordeaux. Lille, Bordeaux. Ah non, mais tu pouvais juste dire Lille, ça suffisait. Hein. Ah bah Bordeaux, je dis Bordeaux. Bordeaux ? Lille. Ouais, bien sûr. Ah ouais, d'accord. Bordeaux. Allez, 8-1. Allez, bah Bordeaux. Ouais, mais ils vont passer à l'offensive là, attends. Oui, bah oui. Bah s'il va être temps. Hein. Attends. Donc Bordeaux. Bah oui. Bah ok. Allons-y. C'est dommage, tu vas perdre un point bêtement, mais... Ouais, c'est à 21h, ensuite, Saint-Étienne-Marseille. Le 18e reçoit le 2e, le Dauphin de Paris Saint-Germain. À 21h, ce sera, pour moi, Marseille. Marseille contre, t'as dit ? À Saint-Étienne. Oh, Marseille. Et à Marseille ? À Saint-Étienne. À Saint-Étienne. Ah ! Eh ben, t'as mis quoi, toi, Marseille ? Ouais. C'est toujours Marseille. Moi, je mets Marseille. Ouais, bah oui. Le dimanche, à 13h, Strasbourg lance 5e contre le 8e. Strasbourg lance. Strasbourg pour moi. Strasbourg, ils ont fait match nul la fois dernière. Là, ils jouent à domicile. Strasbourg, c'est 4 nuls sur les 5 derniers matchs, surtout. C'est ça, ouais, j'aurais bien envie de mettre encore un nul, moi. Je sais pas pourquoi. Là, pourquoi pas, hein. Ouais, je sais pas. Je sens bien un petit nul, là, tu vois. Nul, hein. Allez, match nul, ok. Ouais. 15h, Metz, Monaco. Metz 19e, Monaco 7e. Qui va mieux. Et Metz, Monaco pour moi aussi, cette fois. D'accord. Metz, Monaco, un nul à nouveau. Un nul. Off, je sais pas quoi, vous le savez qui est off. À Monaco, ils ont gagné 3-0 contre PSG, on peut aller perdre à Metz quand même. Ah ouais, t'as raison, Monaco. Ouais, mais bon, c'est pas régulier non plus, Monaco. Mais bon, j'espère que ça va passer. Ensuite, on aura Clermont, Nantes. Clermont, qui est 17e. Nantes, 9e. Moi, c'est là que je vais mettre le match nul. Ah ouais. Moi, je mets Clermont. Clermont, ok. Ensuite, Montpellier-Brest. Montpellier, 11e. Brest, 13e. Montpellier. Moi, je vais mettre un nouveau match nul. Ah ouais, Brest, ils sont à la ramasse. Hein. Je crois bien. Ouais. Oui, ils sont un peu à la ramasse, mais... Ah, je crois bien. 3, Reims. Ensuite, 3, 15e. Face à Reims, 12e. 3. Ouais, pour Bordeaux, c'est pas bon, mais bon. Ouais. Ouais, 3 aussi, allez. 17h, Lyon-Angers. Lyon 10e, Angers 14e. Lyon pour moi. Il va falloir que ça gagne, là. Lyon-Angers, Lyon, là, si ils gagnent pas Lyon, là, c'est la crise. Hein. Bah oui. Oui, là, il faut falloir qu'ils... À un moment donné, qu'ils gagnent un peu, sinon... Voilà, oui, là. La Coupe d'Europe était déjà mal engagée, mais là... Ouais. Et puis, enfin, en fin de soirée, Paris-Lorient. Paris est Paris sur leader et Lorient 16e avec un Paris. Score. Paris 4-1, le fameux 4-1, donc je l'ai pas vu. 4-1 des familles. Et 3-1 pour moi. Ouais, un petit but de moins. D'accord. Et ben, toi, ce qui te fait un nul, 3 victoires extérieures et que des victoires après, à domicile. Ouais, bon. D'accord, bon, écoute. Bon, pas mal. Bon, oui. C'est équilibré. C'est ça. Très bien, c'est noté. On verra tout ça. Cette semaine, que suivre ? Eh bien, l'équipe de France, du coup, hein, on le disait, hein, l'équipe de France vendredi. Donc, match amico vendredi et mardi ? Et après le mardi, oui. D'accord. Et puis, donc, les barrages de la Coupe du Monde. Ouais. Avec Portugal et Italie qui seront peut-être opposés en finale du barrage, mais ce sera que la semaine prochaine, mais là, ce sera les demi-finales jeudi. D'accord. En tennis, le deuxième Masters 1000 à Miami. Qui a gagné Indian Wells en fait ? C'est Taylor Fritz qui a battu Nadal. Ah ouais, parce que j'ai vu le début du match et je me suis endormi. Ah, c'était tard, c'était à 23h. Il y avait un 7-0 pour Fritz. Et ben Nadal qui a perdu le deuxième set aussi. Un 2-7-0 là. Ah ouais, il est un peu. Ouais, physique... c'est fort Fritz, hein. Physiquement, Nadal qui est un petit peu fatigué là. C'est ce que j'ai cru observer. Après, il a fait un gros début de saison déjà. Oui, bien sûr. Alors, tout à fait. C'est énorme, donc. Oui, c'est vrai. Puis là, il avait mal au dos, je crois. Là, il y a pas mal de choses. C'est usant comme sport le tennis. Hein, ouais. C'est pas 36 ans, bon, c'est déjà énorme. Oui, c'est sûr. Je suis d'accord. Donc là, il sera en repos à Miami, et donc il sera pas là. Il y aura. Quand même pas mal de beau monde et ce sera donc Miami pendant presque 2 semaines là. D'accord. Voilà, ce sera ce prochain tournoi. Ensuite, en rugby, après un Super Six Nations, on va reprendre les. Alors même si c'était pas tout à fait arrêté, mais on va reprendre le championnat avec tout le monde, avec tous les internationaux. Je crois savoir que certains vont être fatigués, je pense, en arrivant à Claire Club, c'est bien normal. C'est ça. Ils vont arriver ce week-end avec les clubs pour la plupart. Voilà, donc pour reprendre ça après les Coupes d'Europe qui vont arriver. En basket, l'OLB qui va tenter de gagner. C'est un match important ce week-end. Qui va jouer. Alors qui a perdu au Portel justement. Non, à domicile. Hein. Oui. Enfin au Portel, le Portel. Face au Portel, face à le Portel. C'est ça. Et là, qui jouera pas parce que ce match, le match est reporté, ils joueront que la semaine suivante. Et pourquoi le match est reporté là, du coup? J'ai pas d'infos là, face à Bourg-en-Bresse. D'accord. Mais le match n'aura pas lieu. Le match n'aura pas lieu tout de suite, en tout cas. Voilà, pas tout de suite, il va, ouais, c'est ça. Un jour, oui, il va être reporté, c'est sûr. Donc voilà pour cette semaine, pas de match pour Orléans et mais sinon voilà bien sûr des matchs pour les autres et pour les la NBA bien sûr aussi. Handball c'est reparti aussi pour les clubs, pour Saran aussi qui aussi va jouer son maintien jusqu'au bout hein, voilà sur ses derniers matchs. Pour Fleury aussi qui aura plus de mal aussi à se maintenir mais il faut y croire. Jusqu'à la fin, et donc là il y aura encore il y aura deux matchs, deux week-ends sans match, week-end de repos. Et puis bah, après voilà la Ligue des Champions aussi qui va jouer ses huitièmes de finale. Pour le handball, c'est fini. Non, ça rend toujours 12e par là. Ouais, c'est ça, de égalité avec le 13e et 14e derrière, qu'est-ce qui est un peu plus derrière. D'accord. Voilà, mais ouais, il faut. Ah, c'est serré, ça va se finir. Ouais, c'est ça. Ça va pas jouer à grand chose. Non, c'est ça. J'ai l'impression. Ouais. Et puis, c'est déjà pas mal. Et puis, si deuxième Grand Prix de la saison de Formule 1, c'est reparti. Ouais. Et cette fois, ce sera en Arabie Saoudite dimanche. Ah ouais, c'est toujours dans les pays là-bas, quoi. C'est ça. Ça démarre toujours dans ces pays-là maintenant. Ouais, c'est ça. D'accord. J'ai vu finalement qu'en moto, Quartararo a fait un bon résultat. Ouais, deuxième, ouais, c'est bien. C'était les qualifs, pas terrible. Non, c'est vrai. Ils avaient pas été trop au rendez-vous au qualif, et puis bah, finalement deuxième. Et Zarco troisième, donc bon, c'est bien. Ouais, Zarco est plus régulier, je trouve. Enfin, en tout cas, je sens qu'il a un peu plus, pas, je sais pas si c'est une question de confiance, mais ouais, il est plus régulier, quoi. Ouais. C'est ça. C'est rare qu'on le voit se rater complètement, alors que Zarco, on avait l'impression, enfin, Quartararo, pardon, qu'il était en perdition lors des essais, et finalement, ça en est pas mal sorti. Ouais, il s'en sort bien, hein. Donc il se replace tranquillement. Et là, il n'y aura pas de Grand Prix ce week-end, ce sera la semaine prochaine. Oui, alors, et en plus, j'ai vu le Grand Prix, il est tombé beaucoup d'eau. Oui. Oui, c'est vrai. Me semble-t-il, hein. Ouais, oui. C'est vrai. C'est ça. C'était pas simple. Oui, d'accord. C'était pas simple. On parle de la même chose, alors. Voilà pour le programme de la semaine, donc, pas mal de choses. Et les Panthères, elles ont fait quoi au handball? Bah, encore perdu. Hein. Encore perdu, malheureusement. Hein? Elles ont perdu encore, hein. Elles ont perdu? Ouais, ouais. C'est vrai qu'elles avaient gagné, moi. Coupe de France. Ah, d'accord. Alors, c'est paradoxal parce qu'elles sont. Elles ont perdu. Ouais. Elles sont en demi-finale de Coupe de France. Oui. Mais à côté de ça, elles sont toujours dernières. Ah, elles sont dernières. En fait, elles ont gagné plus de matchs en Coupe de France qu'en championnat. Ah, c'est un peu le Bordeaux du handball. Alors. Ouais, bah oui, parce qu'en Coupe de France, elles ont, genre, je sais plus, elles ont démarré à quel tour? 16e, je crois, ouais, c'est ça. Ouais. Et 8e quart, donc elles ont gagné 3 matchs. Et non, elles ont même démarré en 32e. D'accord. 32e, 16e, quart. 16e, dans 32e, 16e, 8e, quart. T'as gagné 4 matchs. Et elles ont gagné qu'un match en championnat. Ouais. Voilà. Ah oui, un seul match en championnat. Ah oui, seul match, ouais. Ah oui, voilà, c'est, oui, en effet. Hein, c'est, ouais, c'est très compliqué, là. C'est ça. Et, bon, bah, il restera, alors, ce qui est dommage, en plus, c'est qu'il n'y a qu'une équipe qui descend, chez les femmes. Mais ça risque d'être. Et ça risque d'être, parce qu'il y a maintenant 5 points de retard sur, ah oui. Sur l'équipe qui est au-dessus. Donc voilà. Donc, ah ouais, ça va rien. Non. Donc, là, ça va se compliquer, à moins de gagner plus qu'il reste. C'est sévère. Ouais. En effet. Très bien. Bon, bah écoute. Et Rémi, toi, un peu de match bientôt, là? Arbitrage, ça se passe bien. Pas ce week-end, non. Pas ce week-end, mais t'arrives pas souvent, hein? Non, c'est moi, je suis un peu indisposé. Tu te fais à la cool? Ouais, ouais, bon, À la cool, j'ai l'impression d'être un peu à la cool, hein. J'ai le quota, donc. T'es quota, le quota, bon, bah c'est bien. Mais beau match hier. Tranquille. Bon match à Châteauneuf hier. Châteauneuf hier? Ah, j'ai pas vu. Châteauneuf, ouais, face à Nancré. 1-0. 1-0, fin de match. Ça s'est décanté en fin de match. En fin de match? Ah ouais. Bagnon. Avec la présence de monsieur Cordier. Ouais, tout à fait. Qui joue. Ça marche, très bien. Bon, bah écoute, bonne fin de saison à toi, en tout cas, et à tous nos arbitres. Oui, tout à fait. C'est ça. Une saison encore deux petits mois là, ouais, c'est ça, à peine. Ah ouais, quand même, il reste encore des matchs, attention. Ouais, il reste pas mal de matchs ne encore. Ne pas se déconcentrer maintenant. C'est ça. Attention, fais attention. Bon, ben, c'est parfait. En tout cas, est-ce que tu joues toujours en vétéran, Rémi? Toujours, ben, bien sûr. Toujours en pleine forme. Donc tu t'entretiens, pas de problème pour le dimanche, tu es en pleine forme. Il faut. Ah, il faut rester en forme. C'est bien. Bon, ben, est-ce qu'il y a les prochains événements dans le Loiret que tu vas aller voir? L'USO, peut-être? L'USO, il n'y a plus trop d'enjeux, hein, maintenant. Ouais, ça. Ça plutôt Saran, plutôt Laurent, parce que là, Ouais, peut-être. Il y a le maintien à jouer, mais. Mais le, c'est vrai que le foot, ça va être moins simple. Enfin, il y aura peut-être moins d'enjeux, donc. C'est ça. Au foot. Bah, après, c'est vrai que c'est sympa. Et les beaux jours arrivent, donc ça va être sympa aussi. Alors, on peut faire peut-être une petite publicité pour la course. On bouge pour Tiziana, comment ça s'appelle cette course? Je sais pas de m'en rappeler comme il faut. C'est pour une petite fille qui habite à Bou, qui est lourdement handicapée. Et chaque année, il y a une course pour récolter des fonds. Et je crois que c'est ce week-end. C'est ce week-end, oui. L'occasion de faire une petite publicité pour cette course. Alors, c'est à bout de souffle. À bout de souffle pour Tiziana. À bout de souffle, voilà. Je savais bien que le nom n'était pas facile à trouver. Alors dimanche. J'ai trouvé quelques informations. C'est dimanche. Hein, dimanche, voilà. Donc il y a deux choses. Enfin, il y a deux courses proposées. Un trail découverte. Donc dans le trail découverte, il y a 4 km, 8 km et 16 km. Donc, ouais, c'est un peu plus. À vous, c'est magnifique. Hein. Ouais, vraiment, qui s'y prête beaucoup. Ouais, c'est sympa. Ouais. Ouais. Donc voilà, les trails vont 4 et 8 et après 16, c'est quand même, c'est quand même pas mal. C'est autre chose. Ouais. Et après, il y a des courses pour les enfants. Donc il y a 800 mètres, 1 km 4 et 2 km. Ah oui, d'accord, quand même, d'accord. Voilà, il y a trois distances proposées. Vous pouvez encore vous inscrire. Il reste faire une bonne action pour cette petite fille. Et donc c'est pas très loin d'ici, c'est à vous. Ouais. Vous pouvez vous inscrire sur le site du club de running de Chessy. Et allez voir la page Facebook à bout de souffle. C'est pas du pro timing. Bougeons ensemble avec Tiziana. Non, je crois non, pas. Non, d'accord. Ok, donc ouais, bouge. Donc c'est belle. En plus, il va faire beau ce week-end, hein, donc c'est bon, ça. Le moment. Et la semaine suivante, il y aura le dimanche suivant, le 3, il y aura les foulées d'Orléans. D'accord, très aussi, bien. Donc belle aussi, beau rendez-vous dans le centre-ville d'Orléans. Voilà. Ouais, tout à fait. Pour l'athlète qui va revenir en force, ça y est. Hein? Voilà, si pour l'athlétisme qui va revenir fort là avec les beaux jours qui arrivent. Tout à fait. Ça va devenir sympa. Tout à fait. Jérôme, je te laisse le dernier choix pour la musique, bien sûr. Ah, j'ai le choix de la musique. Ah, alors, ça c'est bien, ça. Eh ben, moi, je vais prendre... Attends, il faut que je trouve un truc, là, parce que longtemps que j'ai pas fait, hein. Eh oui, bah oui, c'est ça, t'avais plus l'entraînement. Hein? J'ai plus l'entraînement. Ah non, c'est non, ça. Non, peut-être, ouais, c'est ça. Alors, je vais prendre... allez, qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Un truc que j'aime bien. Qu'est-ce que j'écoute de ce temps-là? Est-ce que tu as entendu, alors j'ai déjà mis tout à l'heure, mais Julien Doré, tu l'as entendu la dernière Ah non, j'ai pas entendu la dernière Julien Doré. Bah je te la parle. Allez, vas-y. Ah bah j'ai déjà eu tout à l'heure. Ah ouais, alors c'est mais, cool. Mais je te la laisse l'écouter après. Tu la conseilles. Ah ouais. Ah ouais, pas. D'accord. Maintenant je vais prendre, Soprano. Soprano. Tout à de Soprano. Eh bah, on peut, soit on a... Dingue, on a Coach, on a En Feu, on a Cosmo. Ah, allez, Dingue, elle est bien, allez, on parle là-dessus. Allez, c'est parti pour ça. T'as vu ça? Ah ouais, il suffit de discuter un petit peu, on trouve, hein. Pas de soucis. Hein. Allez, c'est parti Soprano, et d'ici la bonne soirée. Bonne soirée. Bonne nuit. Prochaine émission la semaine prochaine. Quel est l'horaire exact? Parce que j'avoue que je suis un peu perdu dans tes horaires d'émission, Rémi. Il me semblait que c'était 21h30, 23h30. Ah, c'est fini depuis longtemps, ça. Eh oui, c'est ce qui me semblait, ouais. Désormais, c'est depuis le début de la saison, 20h30, 22h30. 20h30, 22h30, d'accord. Très bien. C'est ça, depuis le début de la saison, depuis le... Bah, je te crois bien, ouais. Depuis la saison de cette année. Voilà, depuis septembre. Et puis septembre, sinon, il y a toujours, bien sûr... Il y a toujours l'horaire vacances. L'horaire vacances. 19h30. Et oui. 21h30, mais ça c'est l'été, et sinon les vacances scolaires, mais ça bouge pas. Tout à fait. Mais le reste, 20h30, donc là, la semaine prochaine, 20h30, 22h30, et d'ici là, donc bonne semaine, bonne nuit, ciao Jérôme, à bientôt, merci. Eh ben, Rémi, c'était un vrai plaisir, et puis bah écoute, la semaine prochaine, si je suis dispo, tu mets un petit message, et ça devrait le faire. Avec plaisir, ciao, merci à tous. Bye bye à tout le monde, ciao, bye.